Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. Comment ça va messieurs? Comment allez-vous pour ce dernier épisode de Fin du Game de la saison, en tout cas, puisqu'on a décidé de faire une petite pause pendant cet été. Alors, il y aura quand même un épisode en août, mais voilà, c'est le dernier épisode de cette première tentative. On en a fait, c'est quoi, c'est le 16e déjà? 16e, ouais, 16e si épisode. 8 mois d'activité, c'est ça? Bah, ça a marché, je pense qu'on peut le dire, hein, beaucoup plus que nos espérances, puisqu'au départ, on avait quand même des objectifs assez bas en termes de nombre d'audience, etc. Là, on est quasiment 1000 personnes sur le Discord, vous êtes des milliers à nous écouter chaque week-end de sortie d'épisodes. Des fois, on a des pics qu'on ne s'explique toujours oui, pas. Oui, c'est vrai, on regarde nos statistiques des fois avec des yeux ébahis en se disant « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et bon, bah, maintenant qu'on est premier sur iTunes... bah, on a acheté des nouveaux locaux, là. On est dans mon nouvel appartement, voilà, on n'est plus au 6e étage, il fait un peu plus frais. Ouais, effectivement. Et puis, bah, surtout, ce qu'on est content, la formule a quand même bien évolué depuis les débuts et on est quand même assez satisfait du résultat, même si, évidemment, il y a encore des choses à améliorer et qu'on va essayer de progresser pour la prochaine saison avec tout ce qu'on a prévu. Il y a encore des gros jeux qui vont arriver dès le début de la rentrée. Je crois qu'on l'a... Je sais pas si on l'a dit, mais il y aura quand même un épisode pendant l'été. Ouais, on va essayer de faire un épisode... courant de mois d'août, comme ça vous aurez l'épisode de juillet qui sera dans Zelda. Exactement. Un nouvel épisode pour le mois d'août, on donne pas le jeu, parce que voilà, voilà. On ne spoil pas dans cette émission, on ne spoil qu'un seul jeu à la fois, voilà, on peut pas... pas tout faire. Et après, ben, on n'a pas encore les dates exactes, mais on sait que fin août, début septembre, va y avoir la reprise après, on repartira tous les 15 jours. Quoi qu'il arrive, on a déjà vents et marées. On a déjà les jeux jusqu'à 2024. Non, en vrai début décembre. Bon, ok. Alors, on remercie évidemment nos patriotes, c'est toutes ces personnes qui nous permettent de produire l'émission en nous finançant sur notre page Patreon. Bah, c'est très important parce que c'est voilà, ça nous permet de mettre les moyens, de mettre le temps et l'énergie nécessaire à la production de Fin du Game. Et puis, on remercie aussi Third Edition, donc la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. À chaque fois, je le dis, à chaque fois, je me perds. Mais qui en plus cette fois-ci nous ont envoyé un bouquin pour l'épisode, puisque bon, vous avez vu le titre de l'épisode, on va parler de Zelda Breath of the Wild. Je vais le dire une fois à l'anglaise et après on dira je le dirai à la japonaise Breath of the Wild, comme ça. Donc il nous a envoyé un bouquin et donc en fait c'est alias Romendil, je me souviens de son pseudo parce que je la regardais sur jeuxvideo.com quand elle faisait ses gaming live. C'est une époque, ça me renvoie un peu à mon adolescence. Romendil, je crois qu'elle a fait le bouquin sur Dragon Ball, il y a le bouquin sur Senseiya, ouais, qui et va sortir, le bouquin sur Zelda, donc elle est, on va dire, un peu plus globale au niveau culturel que juste du jeu vidéo. Et donc, il a pu nous envoyer ce second bouquin qui, à la fois, recontextualise un petit peu tout ce qui s'est passé, toute la genèse un petit peu du projet. Le second qui, du coup, est consacré à Breath of the Wild. Voilà, qui est à Breath of the Wild, effectivement. Donc, voilà, on les remercie. Ça nous a permis aussi de nourrir un petit peu l'épisode avec des anecdotes. Et puis, on pourra mentionner ça tout au fil de l'épisode. Et puis, on va se lancer dans Breath of the Wild. Jeu anecdotique, j'ai envie de dire, simplement. On s'est dit pour finir la saison, tu vois, fallait parler d'un petit truc. Un petit jeu indé comme ça, à faire découvrir aux gens. Les petits artisans de Kyoto. Exactement. Les petites équipes. On en a un pro total. On n'a rien préparé, ça s'est fait en 10 minutes, quoi. Bon, très bien. Alors, c'est parti pour un nouvel épisode de Fin du Game. Thank you. Alors, Breath of the Wild, c'est sorti début mars 2017, le 3 mars 2017, si je ne dis pas de bêtises. C'est un épisode qui dès sa création, devait un peu bousculer les codes de la saga Zelda. C'est ça, dans le bouquin qu'on a pu citer, Valérie Précigou parle d'une certaine lassitude quand même du studio vis-à-vis de la formule Zelda, qu'on verra un petit peu plus en détail, mais qui était déjà assez quand même éculé depuis quoi, ça a commencé Link to the Past, le début système de donjon, objet, etc. C'est vraiment Link to the Past qui a fixé ça dans le marbre, donc c'est 92. Mm. Ouais, voilà, donc ça fait... Skyward Sword est sorti quand? C'était 2011. Voilà, si donc c'est ouais, 20 ans après. Et c'était le 15 ou 16e épisode principal de la série Zelda, donc forcément ça fait déjà énormément d'épisodes, parce qu'il y a eu des spin-offs. Breath of the Wild, c'est le 17e, il me semble, donc c'est bien, je pense que c'est un bon moment, tu vois. Nous, d'ailleurs, pour le 17e épisode, on va changer, hein, on fera des épisodes de fin du game en open world. Ce sera de l'actu. Et autant, t'as certains opus sur les consoles portables qui avaient tenté des petites choses en termes de narration, notamment A Link Between Worlds, où il y avait, on pouvait faire les donjons dans n'importe quel ordre. En fait, t'avais un système apparemment de, je sais plus si c'était un marchand exactement, mais un endroit où tu pouvais choper l'objet en fait qui te permettait de faire le donjon. Tu vois, du coup, tu pouvais faire ça un petit peu. C'était une relecture en fait de Link to the Past. C'est ça qui était rigolo, c'est que c'était une espèce de remake relecture de l'épisode original. Et qu'est-ce avec quand, le nouveau quelle année pouvoir. Juste pour les gens qui nous intéressent. Ouais, je crois que c'est 15. Ça. Ouais, ça, voilà, donc c'est après Skyward Sword. Ouais, c'est après Skyward Sword. Sur DS. Voilà, sur 3DS. Ouais. Mais du coup, donc en parallèle, ce qu'on disait, c'est que les épisodes consoles de salon, eux, n'ont jamais vraiment révolutionné, disons, la formule. Il y a toujours eu, bien sûr, des Majora's Mask qui a un petit peu bousculé les choses. À chaque fois, chaque épisode, en fait, essayait d'apporter un petit truc supplémentaire, mais le cœur de la formule n'évoluait pas. On avait toujours le côté donjon, exploration, tuer Ganon, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui restaient quand même assez fixes, mais là, avec Breath of the Wild, ils se sont dit, on va table rase. Oui, puis surtout qu'on en discutait là juste avant d'enregistrer, c'est vrai, on regardait un peu les chiffres de vente de Skyward Sword, on a vu que c'était à peu près 4 millions, et comparé... La première année, bon, après sur la durée, oui, ça peut-être fait plus, un petit augmenté. Non, même, là j'avais vu le tableau d'Oscar Lemaire qui datait donc de janvier 2018, et c'était quasiment 4 millions, je crois. D'accord. Je crois que c'est là, Donc comparé à Twilight Princess qui avait fait 10 millions, en tout cas le dernier épisode avait pas été, bon voilà, point de vue commercial, ça n'a pas été un carton, c'est clair, surtout sur un parc installé de la Wii, oui, qui était la complètement fin de vie monstrueux. De la Wii. Tout le monde en avait une. C'est quasiment deux fois moins que Twilight Princess, qui était l'ancien Zelda console de salon sur la même console. Et qui est sorti le jour du lancement de la Wii. Hein. C'est ce qui a démarré vraiment la folie de la Wii, si vous vous en souvenez, puisqu'il était sorti le jour même. Ouais. Et du coup, qui avait quand même Skyward Sword, qui avait reçu un très très très bon retour critique, en tout cas à sa sortie. Il y a eu 40 sur 40 chez Famitsu. Je crois qu'il y a des très gros scores aussi sur Metacritic. Genre 92, je crois, un truc comme ça. Donc, Je trouve, après, c'est peut-être simplement ma perspective, mais c'est vrai qu'après. A posteriori, j'ai pas l'impression que c'est un épisode qui est très très aimé de la saga. Ouais, moi j'en ai plutôt mal entendu parler. Ça a mal parlé sur... Ça a mal parlé, sur Twitter, ils sont pas gentils. Ça parle mais par exemple, on en parlait un petit peu entre nous, mais il y avait eu l'affaire un petit peu entre guillemets Phil Fish, où il disait que les jeux vidéo japonais du moment, they suck, tu vois, il a dit que ça avait fait un petit peu un tollé, et ça avait été repris en mode Phil Fish déteste le Japon, en plus, bon voilà. Mais, c'est toujours détourné. Ouais, mais t'avais un petit peu cette table ronde en fait des indés du moment, donc t'avais Phil Fish, Jonathan Blow, McCullen, et en fait donc une personne leur avait demandé ce qu'ils pensaient des jeux vidéo japonais du moment, et donc Phil Fish disait qu'ils étaient vraiment mauvais, et t'as Jonathan Blow aussi, tu vois, qui disait grosso modo, il a plutôt bien vu le truc, tu vois, il disait que grosso modo, à part Dark Souls, le jeu vidéo japonais il te prend vraiment par la main, et ils étaient un petit peu d'accord, ils parlaient de la série de la saga Zelda, ils disaient le premier il était vraiment original, t'avais ce sens d'exploration, de peur, mais les derniers te prennent vraiment par la main, quoi. Donc en fait, peut-être qu'on est en train d'apprendre entre nous, vous voyez, que c'est Phil Fish et Jonathan Blow qui ont réalisé dans l'ombre. Tu vois, les marionnettistes. Ils avaient propulsé le jeu dans cette direction. En tout cas, Aonuma, lui, il disait qu'avec Skyward Sword, ils avaient tenté d'éclater un petit peu la narration. Ils avaient fait un système, alors moi j'ai pas du tout joué, mais t'avais un système un petit peu d'île céleste que tu pouvais rejoindre à dos de célestrier dans la VF, un oiseau qui t'emmène d'une île à l'autre concrètement. Un Pégase. Et... Et concrètement, ils n'ont pas réussi en fait à vraiment proposer Ils ont quand même changé des trucs, parce que du coup, t'avais un nouvel ennemi, t'avais un rival qui était beaucoup plus marqué qu'un Ganon, donc il y avait effectivement des changements sur la narration. Pour moi, son plus gros souci de Skyward Sword, c'était son système de contrôle, puisque du coup, il est arrivé avec le Motion Plus, le Wii Motion Plus, donc ça demandait aux gens de racheter un nouveau périphérique. On s'est rendu compte sur la fin de la Wii que la plupart des gens qui possédaient une Wii n'étaient pas des gens qui jouaient aux jeux vidéo de manière générale, mais qui étaient plutôt dans ce qu'on appelait l'optique de la raclette, c'est-à-dire que c'est la machine que tu sortais quand t'avais des amis pour faire un Wii Sport, pour faire un Mario Kart. C'était vraiment la stratégie qu'avait adopté Nintendo. Ça a payé sur le moment. Mais c'est vrai que pour certaines typologies de jeux, bah ils ont eu du mal à convertir finalement. Et c'est ce qu'ils ont essayé du coup de corriger en annonçant la Wii U très maladroitement, puisque bon, l'annonce de la Wii U, on s'en souvient, ça avait pas trop fonctionné, puisque Breath of the Wild au départ était prévu uniquement sur la Wii U. C'était censé être le Zelda de la Wii U. Le truc, c'est que vu que la Wii U a connu un destin particulièrement funeste, ils se sont rapidement dit on va la mettre sur la NX, qui depuis s'appelle la Switch, et c'est la meilleure idée qu'ils aient eue, je pense. On aura l'occasion d'en reparler, mais ça a fait un carton, quoi. Mais en tout cas, donc je reviens très rapidement sur Skyward Sword, ce que disait Aonuma. En fait, quand il parlait de narration, c'était plutôt dans le sens linéaire ou ouvert. Il y avait toujours en fait cette progression linéaire malgré les déplacements qui étaient censés à la base, qui se voulaient en tout cas être libres. Et du coup, bah ils se sont quand même constatés que s'ils voulaient vraiment avoir un monde uni dans lequel tu pouvais te déplacer, vraiment explorer un petit peu à ta guise, bah c'était l'open world vraiment dans sa définition moderne en fait qu'il fallait adapter pour pouvoir concrétiser ce qu'avait déjà un petit peu essayé de faire Wind Waker un petit peu à son époque et Skyward Sword. Et là ils se sont dit bon bah concrètement il faut qu'on fasse un vrai entre guillemets open world. Donc Aonuma c'est vraiment le producteur un peu historique de Zelda hein, depuis vraiment les débuts, et là la direction, donc vraiment lead sur le design, c'est alors je crois qu'il s'appelle Hidemaro Fujibayashi, je crois c'est ça. Et lui en fait qui vient à la base de Capcom, qui avait bossé sur les Zelda en fait portables qui étaient développés par Capcom, mais voilà, qui étaient publiés par Minish Cap. Ah, il y a eu Oracle of Season aussi. Oui, il y en a eu. C'était développé par Capcom ? Oui, aussi. Ouais, j'en ai eu plusieurs. En fait, ils avaient un contrat de au moins 3 jeux, je pense. Je me souviens que Minish Cap, déjà, c'était un peu la surprise. Tu le lançais sur ta GBA et il y avait marqué Capcom et pas Zelda, pas Nintendo. Mais je crois qu'à la base, ils devaient en faire beaucoup et au final, ils ont eu un petit peu ça à la base. Et lui, donc, a aussi dirigé donc, les épisodes DS. Il y avait Phantom Hourglass qu'il a fait. Et Spirit Tracks. Alors, je sais pas s'il a fait Spirit Tracks, je suis pas sûr, ça, je sais pas exactement. Mais ouais, je crois qu'il a fait au moins Phantom Hourglass, ça c'est sûr. Et ensuite, ils lui ont confié donc Skyward Sword. Ouais. Et ensuite, il est reparti sur Breath of the Wild. Et ouais, tu nous l'expliquais un petit peu avant l'émission. Il avait quelques regrets par rapport à cette formule. Tu disais ce côté narration, le fait qu'ils soient pas arrivés à faire un truc vraiment ouvert et que là, ils ont voulu mettre ça en place vraiment dans le jeu, quoi. Et du coup, le développement, il a entre guillemets vraiment, donc c'est-à-dire après tout ce qui est prototypage, la période avant la pré-production. Voilà, la pré-production, merci, voilà. C'est le terme que je cherchais. Donc ça a commencé donc en janvier 2013, et il y avait dès le début quand même cette volonté, il disait, de bousculer un petit peu les conventions. D'ailleurs, la conférence GDC qui est sortie juste après le jeu, elle s'appelait Change and Constant, Breaking Conventions with Zelda Breath of the Wild. Et le fait qu'il soit à la GDC, c'était déjà une marque pour briser les conventions, parce que Nintendo ne sont pas des gens qui s'expriment d'habitude énormément en public sur leur propre développement. Et là, en plus, à la GDC, bon, ça avait fait grand bruit, puisque bon, bah, le jeu, évidemment, là, il y avait évidemment toutes les étoiles étaient alignées, hein, parce que le jeu recevait vraiment des critiques dithyrambiques de l'intégralité de la presse et des gens de bon goût. voilà, ça commence à taunter, là. Non, mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y avait un truc vraiment, une espèce de. Tu vois, tout le monde était uni derrière Breath of the Wild, et en plus, il nous explique comment ils en sont arrivés là. Il y avait tout un tas de vidéos qui présentaient. Tu vois, ils étaient vraiment dans du storytelling en fait. Ouais, ils étaient en train de nous expliquer. Oui, alors on a fait notre prototype avec les visuels de Zelda 1. On voulait parler aux anciens, etc. Enfin, on va en revenir là-dessus, mais tu sens que Nintendo, avec Breath of the Wild, ils ont essayé d'entamer une autre manière de communiquer, et ça a plutôt fonctionné, je pense. Ouais, il y a vraiment un pivot en fait, à la fois dans leur façon d'envisager leur jeu, leur conception, qu'est-ce qu'ils voulaient proposer vraiment en termes de game design, et puis dans la communication. Et c'est vrai que, tu le disais, moi ça m'a vraiment surpris effectivement de voir Nintendo comme ça à la GDC. J'étais là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que, comme tu le dis, c'est vraiment une entreprise très silencieuse, quoi, et secrète. Mais c'est ça, ça fait partie en fait de l'ADN de Nintendo. Ils ont toujours vraiment maîtrisé leur communication. Alors il y a eu quand même beaucoup de changements ces dernières années, puisque bon, on le sait, le Nintendo Direct, ça a été quand même une des meilleures idées, puisqu'aujourd'hui tout le monde fait la même chose. Donc ouais, forcément, quand Nintendo lance un truc et que tout le monde les copie, en général, c'est un signe, ça veut dire que ça marche. Et donc bah, ils ont déjà quand même essayé de s'ouvrir un petit peu et de faire le fameux, tu sais, avec le fameux geste directly to you. Les deux mains qui, voilà, qui vont vers les joueurs. Tout le monde le fait chez soi. On le voit tous là, notre regretté Iwata. Et donc, ils avaient déjà fait évoluer un petit peu leur manière de communiquer. Mais là, il y a vraiment eu une transformation, en fait, je pense, chez Nintendo ces dernières années. Ils s'ouvrent un peu plus vers à la fois l'Occident. Ils ont essayé de faire des jeux sur mobile. Là, ils se sont associés très ouvertement avec Microsoft. Donc, tu sens qu'ils sont eux-mêmes pas dans une remise en question, parce qu'ils savent clairement ce qu'ils veulent faire. Hein. Je trouve que leurs jeux sont peut-être même plus aboutis ces dernières années qu'ils ne l'étaient avant. Mais tu sens qu'ils ont opéré une lente transformation à tous les niveaux. C'est pas que la communication avec les joueurs, c'est leur façon de travailler, comment on gère la concurrence. Parce que pendant des années, tu sais, c'était l'opposition Apple versus Nintendo. Il y avait des vidéos toutes les 5 secondes et des articles de blog toutes les 5 secondes sur Apple, le nouvel ennemi de Nintendo, etc., etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Nintendo, ils ont vraiment, je trouve, évolué, et ils se sont un peu débarrassés, on va dire, de cette image d'Épinal qu'ils avaient, qui était enfermée dans leur bulle à faire uniquement leur série. Aujourd'hui, on le sait, la Switch, c'est l'Eldorado de tous les jeux indés, de tous les jeux tiers. Tout le monde veut être sur Switch. Et du coup, ils ont quand même fait un énorme virage avec cette console, et notamment Zelda. Et puis, il y a eu un renouvellement de génération, puisque toutes les personnes, Miyamoto, même Aonuma, qui ont quand même pris un petit peu de recul sur l'ensemble de la production, même s'ils ont toujours un rôle. Miyamoto, il est un peu le ninja secret encore dans son truc, il surveille un petit peu. Aonuma, il a toujours son rôle de producteur, mais on sent qu'il y a quand même un peu une prise de recul par rapport à toutes ces personnes-là, et qui laissent d'autres personnes s'exprimer, en fait, personnes qui étaient là depuis quand même longtemps chez Nintendo. C'est pas des jeunes, c'est pas des petits jeunes de 20 ans qui débarquent, mais il y a. Des petits jeunes de 40 ans. Voilà, c'est les petits jeunes de 40 ans de chez Nintendo, quoi. Ouais, c'est ça, Anuma, et je sais pas vraiment à quel point il a pu reculer ou quoi, parce qu'on le voit quand même très présent, hein, sur scène. Ça reste quand même un des visages les plus présents pour Breath of the Wild. Mais on parlait de Fujibayashi, il a fait, donc même s'il vient, comme tu disais, hein, il est pas nouveau, il vient de tout ce qui est console portable et tout, mais c'est un peu son deuxième projet, tu vois, Breath of the Wild sur console de salon. Voilà, c'est d'avoir la responsabilité d'un deuxième gros truc comme ça. Bon, c'est des gens qui ont énormément d'expérience, mais c'est vrai que, par exemple, c'est là aussi où on voit quand même un changement, on va dire une nuance assez marquée entre l'Occident et le Japon à ce niveau-là, au niveau de la création. Parce que dire des jeunes à 40 ans, c'est impossible d'envisager ça. Tu vois, des gens qui sont à 40 ans encore dans l'industrie du jeu vidéo, c'est des Cory Barlog, tu vois, c'est des gens qu'on est limite en train de préparer à leur retraite, parce que ils sont beaucoup trop usés, en fait. Qui sont revenus après leur burn-out, quoi. Ouais, donc alors que là, à 40 ans, c'est les petits jeunes et on leur fait confiance. Donc il y a quand même une espèce de. Une notion de. Tu vois, j'ai envie de mettre à maturation les développeurs, de les faire mûrir pendant des années avant d'être sûr de leur faire confiance. J'ai l'impression qu'au Japon, les gens restent aussi beaucoup plus dans la boîte, alors qu'en Occident, il y a beaucoup de turnover, les gens migrent plus entre les boîtes, alors qu'au Japon, enfin, on regarde chez Capcom ou des trucs comme ça, quand j'ai fait un peu l'épisode là, GND sur le jeu vidéo japonais, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnalités qui restent très longtemps dans la boîte, et au bout de 15 ans, on leur fait confiance. Il y a un truc un peu traditionnel finalement là-dedans, de vraiment rester dans ta boîte, de faire ton trou dedans, et ensuite de pouvoir être au lead sur des projets importants, quoi. Et puis pour bosser en plus sur des projets qui sont très ambitieux, puisque on l'avait lu, ce Zelda, c'est le plus gros projet, en tout cas en termes de ressources humaines, c'est le plus gros projet qu'a mené Nintendo jusqu'ici, quoi. Alors selon Oscar Le Maire, nous avons 500 personnes qu'on bosse dessus, selon Valérie selon Pessigou, la police c'est plutôt 300, donc après peut-être qu'il y en a une qui compte vraiment chez Nintendo et l'autre qui va compter prestataire externe, voilà, puisque sur des projets comme ça, il n'y a pas seulement les employés, vraiment, il y a aussi d'autres prestataires qui vont intervenir sur plein d'aspects du jeu, quoi. Et en interne, ils ont eu Monolith Studio aussi qui a complètement participé au développement. Donc Monolith Studio qui avait fait Xenoblade Chronicles et X sur Wii U. Il me semble que c'est sur Wii U Chronicles X. Je crois que le X, ça doit être sur Switch, mais bon, voilà, je suis pas sûr. Hein, mais donc, C'est sûr. Il y en a un qui est sorti sur Switch, on est d'accord. Oui, voilà. Ça doit être un portage si c'est pas le X. Non, il y en a un nouveau qui est sorti. D'accord, ouais. Mais le X, je pense qu'il est sorti sur Très Wii U. Très bien. Alors, je vais pas avancer, j'ai pas les trucs. Puisque Zelda est sorti sur Switch à sa sortie, ils avaient développé des open world. Xenoblade sur Wii, X sur Wii U, et le dernier qui doit s'appeler autre chose, peut-être Xenoblade 2 simplement. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Vous voyez que malgré toute notre préparation, quand on improvise. quand on part sur des petites impros comme ça. Bah, c'est vrai que c'est des jeux qui durent 400 heures, donc c'est ouais, pas ouais, des trucs c'est, si tu... C'est, effectivement, voilà, si tu je pense que fait, là, dans fin du game, je pense qu'on peut spoiler, je suis pas sûr qu'on en parle non, un jour, voilà, non, je non. m'excuse auprès des personnes qui pouvaient l'attendre. Non, attends, ils ont, bah, là, Breath of the Wild a pu bénéficier un petit peu de cette expertise, puisque c'est quand même bah, un peu le premier vrai, entre guillemets, open world qu'ils font pour la licence, ils avaient besoin de tout cet effectif-là. Oui, parce que Xenoblade, en gros, sur Wii, ça a apporté c'est vraiment cette notion d'open world, alors qui est beaucoup plus classique dans son approche, puisqu'on est, on est dans ce qui se passe dans n'importe quel MMORPG, avec des hubs, des quêtes principales, des quêtes secondaires, et des centaines de milliards d'objets à récolter. Mais malgré tout, ils avaient quand même cette notion de savoir comment peut-être timer les choses, tu sais, gérer le rythme, gérer l'exploration, gérer l'emplacement des objets, le visuel. Donc je pense que Nintendo là-dessus ont eu raison de leur faire confiance, parce que bah, de toute façon, quand on voit le résultat, ça, ça a payé quoi. Ouais, oui, bah du coup, on peut très rapidement parler de la réception hein, qui a été incroyable, hein, Breath of the Wild. Bah, je pense bah, que ça a été un. Oui, c'était fou. Enfin, c'était vraiment, juste fou. Hein, le... Je sais pas si vous vous en souvenez. Sur Twitter, c'était n'importe quoi. Enfin, moi, j'avais l'impression que tout le monde jouait à ce truc et tout le monde se prenait une claque. Bah, c'était même difficile à vivre, limite, parce que bah, moi, j'y jouais pas, j'avais pas la Switch, enfin, je voulais pas le prendre sur Wii U, je m'étais dit je le prendrais sur Switch, j'y jouais pas à ce moment-là. Et il y avait un espèce de truc, il est en train de se passer quelque chose finalement dans le monde du jeu vidéo. Il y a un jeu qui est important en fait. On peut pas, même, je pense qu'on pourra le dire après, on peut toujours pas mesurer en fait l'impact qu'il a le jeu, mais il se passait vraiment quelque chose quand le jeu est sorti. Quoi. Bah, c'est vraiment ce qu'on ressentait, c'est-à-dire que dans les tests, quand tu commençais à lire, tu vois, c'est assez rigolo parce que quand tu regardes un peu l'ensemble de la presse au niveau mondial, c'était vraiment unanime. Tu vois, Jim Sterling est considéré comme étant celui qui a donné la plus mauvaise note au jeu et lui a donné, attention, hein, 7 sur 10. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce qui, dans le barème américain, est mauvais. Oui, c'est une mauvaise note. Tu vois, sur c'est, les jeux, c'est entre 8 et 10. Hein, sinon, ça vaut pas le coup, ça sert à rien. Ça n'est pas jouable. Parce que lui, il avait pas aimé le côté, justement, des armes de destruction. Mais voilà, ça a fait du bruit à l'époque, mais c'est assez drôle, tu vois, de voir ça avec le recul. Parce que tu dis, mais 7 sur 10, t'imagines, c'est la plus mauvaise note du jeu dans le monde. C'est-à-dire, tout le monde, le reste, c'est unanime. C'est entre 9,5 et 10. Bah, voilà. Sur Metacritic, il a eu 97. Ouais. Ce qui est le deuxième plus gros score de l'histoire de Metacritic, si je dis pas de conneries. Après, évidemment, l'intouchable Tony Hawk Pro Skater 2. Et égalité avec voilà. Red Dead Redemption 2, évidemment, puisque, bah voilà. Hein. Ce sera intéressant, on fera peut-être. Dans quelques années, on refera une vidéo. Salut Miss Mio, que reste-t-il de Red Dead 2 on en reparlera. Et ils avaient quand même, Nintendo avait été quand même assez transparent, tu vois, sur ce Zelda Breath of the Wild, parce qu'à l'E3 2016, c'était quand même, il était jouable, tu vois, le jeu. Par contre, à noter, c'était la seule chose jouable sur le côté Nintendo, tu vois, du salon. En fait, c'est un épisode au niveau de la communication qui a été assez étrange parce que au début, on sentait qu'ils étaient pas encore très sûrs d'eux. Il y a eu cette vidéo assez surréaliste, je pense. Vous vous souvenez où il y a Eiji Aonuma et Miyamoto qui sont assis l'un à côté de l'autre en train de regarder une télévision qui est très très loin de la caméra pour pas qu'on se rende compte, qu'ils disent regardez là-bas au loin cet open world incroyable qu'on va vous sortir. C'était l'époque encore où le jeu était annoncé sur Wii U, la console était déjà en train de faire un four monumental et c'était assez étrange. Et il y a eu le vrai reveal plus tard, où on a vu donc le fameux, la fameuse vidéo où Link sur son cheval qui était en train de tirer avec sa flèche Sheikah là, sur un gardien. Là, ça avait déjà un petit peu donné. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le trailer en plus, moi je m'en souviens toujours de ce trailer où il y a un problème de mix son, où la musique elle se coupe et d'un coup elle repart. Et c'est un truc, jamais tu verras ça dans le monde professionnel. Et c'est juste ça qu'on avait vu. Donc il n'y a pas eu des tonnes et des tonnes d'infos. Moi j'ai personnellement adoré le jeu à partir du moment où il y a eu le fameux Treehouse à l'E3 2016. Il y a vraiment une démo de gameplay. Voilà. 45 minutes, ils ont joué, on les voyait jouer avec les arbres, avec les cailloux, avec les pommes, avec les torches, etc. Donc on voyait vraiment toute la richesse du gameplay qui nous attendait. Et là, je me suis dit, ok, ce truc-là, ça va être un truc de fou. Et à partir de là, il y a une espèce de hype qui s'est montée et qui a été nourrie, je pense, entièrement grâce à la NX, donc le fameux nom de la projet de la Switch, qui a énormément porté tout ça, parce qu'il y avait vraiment des attentes de fou sur cette console-là. Et dès qu'on a su ce que c'était, qu'on a vu le concept, le principe hybride, machin, et qu'on a su que le Zelda allait arrivé quelques mois à peine après la sortie, il y a eu une espèce d'effet boule de neige, hein, tu vois, qui a été lancé et c'était ultra bénéfique pour Nintendo. Il y a même un moment où vraiment il y avait plus de Zelda qui avaient été vendus que de Switch, c'est-à-dire parce qu'il y avait des gens qui l'achetaient deux fois ou des trucs comme ça, enfin je sais pas, pour l'offrir à quelqu'un. La console était peut-être pas dispo partout. Voilà, c'est ça, t'avais des gens qui avaient déjà Zelda et pas encore la Switch, donc c'était, il y a eu un espèce de momentum, de phénomène qui s'est passé à la sortie de ce jeu qui était assez incroyable pour tout le monde, à la fois sur le plan commercial, mais aussi vraiment sur le plan vidéoludique, quoi, créatif, qu'est-ce qui se passait avec ce jeu. quoi. Bah, on a regardé tout à l'heure le nombre de ventes, c'est quoi, 14 millions, ouais, c'est en ça, mars 2019, ouais, c'était un peu plus de 14 millions, 1,5 sur Wii U, d'après les chiffres qu'on avait, et le reste sur Switch. Donc je sais pas à combien on est de Switch dans le monde aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas vérifié, mais à un moment, ouais, c'est ça, il y avait un taux d'attachement, c'est-à-dire le nombre de Zelda vendus pour le nombre de Zelda de Switch qui existait dans le monde, qui était complètement ahurissant. Presque tout le monde, comme tu dis, il y avait plus de Zelda que Switch. C'est vraiment le jeu pour les, ce qu'on appelle les early adopters, quoi. C'était vraiment pour des gens qui connaissent bien Nintendo, là ils attendaient leur Zelda, enfin, c'est le produit d'appel ultime, je pense, ouais, hein, pour Nintendo, Zelda. C'est pas innocent, ouais, oui, qu'il est sorti sur Switch. Bien évidemment, mais ce qui est sûr, moi honnêtement, tu vois, j'étais pas du tout comme toi, moi vraiment j'étais un peu osef, j'ai pas un affect particulier pour la saga Zelda, j'en ai fait un ou deux, tu vois, mais c'est pas une saga que j'aime de ouf ou un truc comme ça. Et c'est vrai que bah, le jeu, moi c'est vraiment à sa sortie que j'ai été surpris par sa qualité, je me suis dit, ah d'accord, en fait Nintendo ont pu faire quelque chose avec l'open world, et pour moi c'était pas forcément une promesse qui m'animait énormément, quoi. Mais je pense que pour tout le monde d'ailleurs c'était le cas, c'est-à-dire que ça a été on en reparlera, il faudra qu'on parle de l'histoire à un moment donné du jeu, même si c'est pas le cœur du truc, mais dans le changement de formule, je pense que personne ne s'attendait à un shift aussi violent. C'est-à-dire que tu vois, on était plus dans une idée de bon bah Nintendo pendant très longtemps c'était la force tranquille, c'était tu vois, on continue, on change pas les habitudes, ou on les change petit à petit, tu vois, c'est comme Pokémon, c'est on va rajouter des petites features. Alors, Pokémon, et ça y est, un des pires après exemples, après le 83e épisode, on passe en 3D, enfin tu vois, c'est vraiment des choses qui avancent petit à petit, qui mûrissent dans le temps, et là vraiment ils ont changé tellement de choses d'un coup. Alors ça a laissé des gens sur le carreau, hein. Ouais, il y a des vrai. Gens qui s'attendaient à un Zelda classique et qui ont peut-être été déçus, mais là cette façon vraiment de modifier complètement le truc, de en plus le sortir en même temps que la Switch, ou à très peu de délai avec la sortie de la Switch, ça a été un super bon move, mais c'était pas gagné, parce que je veux dire, oui, vu que le jeu ouais, était prévu ça. Sur Wii U c'était, au départ, ouais, et qui était censé gagné, hein. Sauver la Wii U, enfin je veux dire, tu vois, a posteriori, on peut se dire, c'est bon, c'était tout maîtrisé. Non, non, à mon avis, je pense que ça a dû, tu vois, ça a dû transpirer sévère à un moment donné chez Nintendo, parce qu'ils avaient peur que ça se passe mal, quoi. Ils l'ont dit, d'ailleurs, vraiment, le développement sur Switch a surpris les équipes, parce que c'est vraiment, il y a un moment, le top management qui a dit, bon, bah, écoutez, voilà, là, on fait un shift, et il faut que ça soit sur Switch, parce qu'on a besoin de ce produit d'appel-là. Donc, c'est vrai que pour les équipes, ça leur est un peu tombé dessus. Bon, ils avaient quand même les outils pour le faire, mais ça leur a rajouté quand même beaucoup de boulot de travailler là-dessus, quoi. Parce que pour rappel, il était prévu pour 2015. Oui, c'est vrai. Jeu, et au final, il est sorti quand même 2 ans plus tard. Je me souviens, tu sais, dans les premiers épisodes de Game Next Door, on dit oui, ça arrive l'année prochaine, alors qu'on était voilà en 2015, genre ça arrive bientôt, quoi. Non, attends encore un petit peu, effectivement. Très bien, bah, on va en fait, effectivement, vous êtes passé à l'histoire du jeu. Ah, c'est alors, pas fini. On a de la chance parce que, bon, je pense qu'on peut tout de suite le dire, l'histoire de ce Zelda, elle est. Bon, elle est un petit peu anecdotique. En tout cas, dans l'expérience totale, c'est ce qu'on s'est dit. Elle est, voilà, c'est pas le truc le plus important. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bah, il y a 100 ans, ils avaient une prophétie comme quoi Ganon allait débarquer et ça allait être le caca dans Hyrule. Du coup, ils voulaient se servir d'armes Sheikah. Donc, il y avait ces fameuses créatures divines. Il y a des pilotes qui ont été attribués à ces créatures divines. Et puis, au final, bah, Ganon est sorti. Ça ne s'est pas bien passé puisque Ganon a corrompu, bah, toute la technologie Sheikah. Il a tout hacké. Exactement, il avait tout prévu. Et les gardiens aussi. Hein, et les gardiens, évidemment, qui étaient voilà, les proto-créatures divines. Shinji, Rey, Asuka, tout le monde. Exactement, tu vois, ils étaient là. Je te voyais qui était dans tes yeux. Non, mais forcément, je suis en train de regarder Evangelion, et forcément, quand tu me parles de pilot, entry plug, forcément, je suis dedans. Monte dans le camion, je dis. Et donc, bon, bah, ça s'est mal passé, forcément. Et Link a été. Je crois que les quatre pilotes sont morts. Puisqu'on retrouve leur esprit, finalement, qui reste enfermé dans les créatures divines. Mais Link, bah, lui, il a été mis un peu de côté. Il est mis dans la pédiluve. Dans son petit bassin. Ouais, de protéger Zelda, mais il a été mortellement blessé. Mm-hmm. Et du coup, ouais, elle l'a fait barboter dans voilà, le pédiluve. Elle l'a mis dans un espèce de bassin de cryogénisation pendant 100 ans. Pendant que elle, bah, elle contenait le mal, en tout cas le spectre de Ganon, pendant bah, 100 ans tranquille dans sa chambre d'Hyrule. Et finalement, le jeu débute au moment où Link bah, se réveille. Link, réveille-toi. Et bah, tout simplement, Link va sortir de sa petite caverne et va rencontrer donc, ce qu'on apprendra être l'ancien roi d'Hyrule, donc le père de Zelda, qui nous demande quand même de faire un petit tuto, histoire quand même qu'on sache à quelle sauce on va être mangé. Et puis après, qui nous donne simplement une mission, bah, c'est va battre Ganon. Et au passage, bah, on pourra faire la rencontre d'une petite vieille au village Kokoriko qui nous expliquera que bah, cette histoire de créature divine qu'il faudra décorrompre, je ne sais pas, sauver... pour ça nous aidera en fait à battre Ganon. Mais il n'y a pas vraiment plus d'histoire que ça. Il y a quand même quelques petits personnages secondaires qui ont leur importance, hein, une espèce de petite romance un petit peu déguisée avec Mipha. Oui, bon, elle est morte après, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, là, pour le coup, dans le genre amour impossible, c'est Ghost, tu vois. Il y a ça, il y a le... Il y a Sidon, qui est du coup, lui, le prince qui est resté chez les Aura. Enfin, voilà. Il y a du lore aussi, d'une façon générale. Tu vois, on parlait des Shekai qui sont un petit peu remis en avant. Et puis, t'as ceux aux bananes, c'est Yagi, Yaga, je sais plus trop. Les ninjas, moi, je les appelle. Ouais, voilà. Mais eux, je crois que c'est des anciens Shekai qui ont trahi, en fait. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'ils ont l'œil. Ouais. De Ganon, tu vois. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que c'est un jeu qui tourne beaucoup sur l'archéologie parce que, ben, justement, les Shekai et la technologie Shekai, on la retrouve partout. Il y a les fameuses runes qui sont en fait un alphabet complet qui permet de comprendre si les gens quand ils peuvent le lire, tu vois, il y a des gens, ils lisent la matrice maintenant, ils lisent le Sheikah couramment. Ils lisent le Sheikah couramment. Tu peux prendre ça en troisième langue. Bah, tu pourras peut-être, tu vois, au bac passer ton bac Sheikah. Option Sheikah. Donc il y a quand même énormément de choses, mais la narration, on va dire traditionnelle, c'est vraiment le strict minimum. C'est genre, en plus, on retrouve le trope le moins utilisé du jeu vidéo. Hein, le héros est amnésique. Oui, étonnamment. Alors ça, je sais pas, vous avez déjà vu des jeux vidéo qui font ça, vous? Moi, j'ai pas trop joué, donc non, je vois pas trop. Ouais, effectivement, c'est quand même. C'est vraiment le truc le plus classique de toutes les histoires de jeux de rôle. Évidemment, c'est forcément le truc idéal pour commencer un personnage, parce que vu qu'il est amnésique, ben, du coup, il a pas de passé. Donc, c'est au joueur qui va pouvoir injecter tout ce qu'il veut, toutes ses émotions, tous ses sentiments. Il va pouvoir le faire. En plus, le personnage de Link, historiquement, c'est toujours conçu comme étant une coquille vide. C'est pour ça qu'il n'a jamais parlé, pour que les joueurs puissent vraiment, comment on dit, se projeter complètement dans sa lui. Mais quand même, changement drastique avec Breath of the Wild, puisque du coup, c'est le premier épisode où il y a un doublage intégral. Ouais, effectivement. Ouais. Et du coup, le personnage de Link est obligé d'être appelé Link, puisque du coup, ils ont enregistré des gens qui disaient Link, et du coup, bah, forcément, il fallait bien l'appeler Link. Voilà. Oui, parce que traditionnellement, dans les Zelda, on peut changer le nom de Link, mais là, en tout cas, c'est un des jeux, on peut pas le faire. Alors, je pourrais pas affirmer que c'est le cas vraiment dans tous, mais bon, traditionnellement, on peut changer le nom de Link. Quoi. On salue évidemment tous les gens qui mettent. Qui eux connaissent ça sur le bout des doigts. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a quand même un minimum de narration qui est faite à travers les fameux souvenirs donc de Zelda qu'il faut retrouver en fait dans le monde. Il y a un moment où on nous donne des photos et en fait si on se replace à l'endroit précis où ont été prises ces photos dans le monde du jeu, on peut accéder quand même à des petites cinématiques. Il y en a une douzaine, je crois, peut-être même 13, puis il y en a un caché à la fin, je crois. Et puis tu as ces cinématiques là, tu as les cinématiques donc qui sont associées aux créatures divines, puisque là aussi il y a quand même un petit peu de narration à la fois dans la façon d'aborder les créatures divines, puisqu'il y a toujours une petite mise en scène pour les attaquer, il y a toujours une petite mission annexe à faire, puisque chez les Gerudo, il va falloir aller récupérer un masque à la noix, chez les Piaf, il va falloir d'abord régler un peu les tensions, ou je sais plus quoi, ce qui se passe. Donc il y a toujours une petite histoire, mais voilà, c'est très très très très léger par rapport à l'ensemble de l'expérience. Il y a quand même une histoire qui est assez mise en avant, c'est celle de Zelda, pour le coup, oui, il y a toute sa lutte un petit peu, parce qu'elle, son rôle, en fait, c'était de... En fait, je crois que sa mère, la reine, elle lui a confié un pouvoir magique, ou elle l'a hérité de sa mère, et elle était censée, en fait, entraîner en fait cette partie d'elle, parce que elle a une partie de la Triforce. Je sais plus à quel point c'est officiel dans Breath of the Wild, et en fait elle y arrive pas. Il y a beaucoup de moments où elle prie face à la statue, peut-être la déesse Ilia, quelque chose comme ça. Oui, effectivement. Et elle y arrive pas, et du coup elle s'est un petit peu, entre guillemets, pas réfugiée, mais en fait elle a étudié beaucoup les gardiens, la technologie Sheikah pour être utile en fait, parce que elle n'arrivait pas à faire ce qu'elle voulait. Et dans tous les souvenirs que tu cherches, il y a beaucoup un petit peu cette quête d'identité de Zelda au final. C'est d'ailleurs la cinématique qui est débloquée par ça. C'est un petit peu, elle dit, ah oui, j'ai perdu en fait mon pouvoir, mais en fait c'est pas si grave que ça. Elle se rend compte, enfin il y a quand même, je trouve que Zelda est pas mal mise pas au premier plan, tu vois. Je suis juste en train de dire que c'est exactement l'histoire d'Evangelion. Parce que du coup, tu vois, la pression qui est mise sur la vieille génération, attention à ne pas spoiler Evangelion. Non mais bon, du coup, si je dis que c'est la même chose, ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve en fait, c'est vrai que le personnage de Zelda est particulièrement mis en avant sur ses doutes et sur le fait qu'elle, en fait, on lui met une pression de dingue, comme dirait notre président, parce que c'est vraiment elle qui est censée, tu vois, tenir le rôle central dans la prophétie. Il y a elle d'un côté, il y a le guerrier de l'autre, donc Link et elle, et elle n'y arrive pas. Et je trouve que ça, c'est une approche qui, pour le coup, est assez intéressante de la part de Nintendo, puisque du coup, ils montrent des personnages qui sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus subtils et complexes que ce qu'on avait l'habitude de faire. Alors que d'habitude, c'est vrai qu'on est dans une logique assez classique à base de Zelda, la Triforce, la princesse, le héros, l'épée, youpi, ça y est, c'est parti, quoi. Bon, même si ça reste quand même un petit peu ça. C'est toujours un peu plus développé. Il y a toujours un peu ce cadre-là, mais tu sens qu'ils essayent d'y injecter doucement des petits trucs. Et puis, bon, vu qu'on sait qu'il y a une suite suite désormais et qu'a priori Zelda sera avec Link, je pense qu'ils vont peut-être justement développer cette relation ou en tout cas la personnalité de ces personnages là. Je le ressouligne parce que je trouve ça important, vraiment la dernière note de la true ending entre guillemets quand t'as eu toutes les cinématiques, ça finit vraiment sur Zelda, tu vois, c'est sur elle que ça termine. Avec le thème, enfin, de Zelda, parce qu'on l'entend pas de tout le jeu, et on l'entend que à la fin. Donc c'est quand même un truc, tu vois, au niveau émotion. Bon, alors vous, ça vous parle moins, parce que je sais que vous êtes moins attaché aux musiques du jeu. Enfin, c'est pas une saga qui vous a bercé comme ça toute votre enfance. Mais tu vois, c'est quelque chose d'assez fort, quoi. Ah, il y a quand même des bons remixes, quand même, parce que bah, même, moi, je sais, le thème Piaf, par exemple, quand t'es dans le village des Piaf, il reprend celui qui est dans Wind Waker, qui est un jeu que j'avais fait quand j'étais adolescent. Il y a quelques petites reprises de rythmique et de mélodique, et effectivement, ça m'avait quand même assez touché. D'ailleurs, la musique est assez en retrait. Dans cet épisode-là, ça lui a été un petit peu reproché, même si je trouve que ça fonctionne bien finalement dans ce côté un peu naturel où c'est plus finalement le sound design qui va occuper l'espace plutôt que vraiment des musiques un peu plus épiques. On en reviendra de toute façon un petit peu en détail après, mais je trouve que la musique de toute façon elle est aussi pensée dans une optique open world. De toute façon, donc on en parlera peut-être un petit peu plus dans la partie. Bah, effectivement, c'est le moment peut-être de vraiment essayer d'expliquer en quoi vraiment ce Zelda a cassé la structure traditionnelle des Zelda, tout simplement. On le disait, ça a commencé un petit peu avec A Link to the Past. Une structure qui était, moi c'est vrai que c'est pour ça que je disais j'ai pas un affect particulier avec la saga Zelda, parce que j'en ai fait un ou deux et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me lance dans un Zelda je retrouve un petit peu les mêmes, c'est quand même la même formule. Il y a cette histoire de, on va trouver dans un donjon, on va aller trouver un objet qui va nous permettre de finir le donjon, de battre le boss du donjon, et puis avec cet objet un peu à la façon d'un Metroidvania, on va pouvoir ouvrir un autre passage qui nous donnera sur un nouveau donjon, et c'est reparti, on recommence. C'est vraiment une boucle qui fonctionne comme ça dans la plupart des Zelda vraiment console, en tout cas traditionnelle, ça fonctionne toujours comme ça. Je crois que même dans Majora's Mask, il y a quand même des donjons. Alors tu vas les recommencer, je crois, au fur et à mesure du jeu, mais ça fonctionne aussi un peu comme ça. Il y a aussi des donjons. Après, bon, Majora's, c'est vraiment peut-être l'épisode, à part Breath of the Wild, qui est le plus, on va dire, différent par rapport à la formule classique, puisqu'il y avait cette fameuse histoire des trois jours et qu'il fallait remonter le temps, le ralentir, l'accélérer, etc. Mais c'était vraiment une espèce de gros spin-off de Ocarina of Time. Tu vois, les épisodes classiques, on va dire, c'est vrai, comme tu le dis, ils reprennent cette structure-là. Et d'ailleurs, Twilight Princess, qui était le dernier épisode qui s'était très bien vendu après Breath of the Wild, qui était sorti le même jour que pour la sortie de la Wii, il avait cette structure-là, la plus classique. Il était un peu plus dark, on va dire, en termes de thématique, puisqu'il y avait des moments où il faisait nuit, oulala. Et puis il y avait un loup. Et quand il y a un loup, oulala. Ça fait peur. Mais non, sinon, c'était la même chose. C'était toujours cette logique, voilà, donjon, objet pour finir le donjon, objet pour débloquer l'accès au prochain donjon, nouvel objet, nouveau boss, et ainsi de suite. Puis les cartes de cœur, finalement ces trucs classiques où quand tu ouvres un coffre, tu vois, je pense que pas mal de gens, comme tu vois, quand tu vois Breath of the Wild, tu ouvres le coffre la première fois, le coffre il fait pas de bruit. Tu vois, moi ça m'a fait bizarre en fait, parce que je m'étais habitué, tu vois, c'est genre, pas entendre il est où le... Ouais. Et tu vois juste Link qui se casse le pied parce qu'il a pas de chaussures. Ouais, ça, c'était les petits détails sympas. Puis même en termes de mécanique de jeu, on retrouve quand même les objets, les bombes, l'arc, le grappin, le boomerang. C'est tous des objets qui sont vraiment devenus iconiques de la saga Zelda. Mais du fait que quand tu retrouves un Zelda à peu près classique, tu te lances dedans et tu vois, ok, là je vais avoir besoin de l'arc, là je vais avoir besoin du boomerang et tout. Donc il y a quand même tous ces codes qui, en 20 ans, ont quand même pas mal baigné. Et c'est vrai que Zelda Breath of the Wild casse complètement ça, puisque dès le début on a le plateau du prélude et on nous donne ces 4 ou 5 pouvoirs. Alors il y a le stasis, il y a le magnétis, il y a les bombes, il y a le cryonis, je crois, et ça y est, je crois que c'est les 4 pouvoirs et c'est bon. Et surtout, en fait, il n'y a pas de donjon, il n'y a pas cette structure finalement qui est assez linéaire, donc ça casse complètement ça. Je crois que c'était vraiment la première surprise pour beaucoup de gens avec cet épisode, quoi. Très clairement, déjà l'annonce d'un open world, c'était pas forcément un truc que les gens anticipaient à ce point là parce que depuis toujours Zelda, tu vois, il y a toujours, ils ont toujours joué un petit peu avec la frontière avec l'open world, parce que dès Wind Waker, ils avaient corrigé ce problème, on va dire, ils avaient contourné le problème technique lié à l'open world en disant tu vas te balader sur la mer, tu vois. Tu vas te balader sur la mer et ça va nous laisser le temps de charger l'île qui va apparaître plus loin. Et donc ça leur donnait comme ça une solution. Et on avait déjà ce sentiment de se perdre et de se balader un petit peu dans un monde librement. Alors qu'en réalité, on n'était pas dans ce qu'on appelle un open world au sens GTA-esque du terme, tu vois. Mais là, du coup, dès le début, on te dit débrouille-toi. Il n'y a pas de donjon. Les temples sont finalement pas des donjons en eux-mêmes. Donc ça avait surpris pas mal de monde, je pense. Et puis les items dont je parlais vraiment en traditionnel, genre l'arc, ça devient une arme quasiment anecdotique. Dans un Zelda, tu trouvais l'arc. Alors, t'allais peut-être en trouver un deuxième au cours du jeu qui était l'arc un peu plus puissant, qui te permettait d'utiliser les flèches de glace et trucs. Là aussi, toutes les armes sont disponibles à foison. Il y en a plein. Il y a plein de boucliers. Il y a du loot, entre guillemets, dans un Zelda. Alors, même s'il y avait toujours des petits items qu'on pouvait trouver, je sais pas, des petites gelées chouchous, des trucs comme ça, il y en a toujours eu. Là, ça prend une dimension qui est quand même totalement différente. Et du coup, des objets qui étaient des objets clés pour résoudre des énigmes qui nous permettaient de progresser dans le monde un petit peu fermé façon Metroidvania, là du coup ça devient simplement des armes. C'est ça, quand tu trouves un boomerang finalement, ouais. C'est juste une arme de plus où tu te dis bon, il faut que je la cale dans mon inventaire, parce que évidemment le changement peut-être le plus profond dans l'approche des objets, c'est qu'ils se cassent tous, ouais. Même la Master Sword, tu peux pas la... Mais elle se décharge, elle se décharge au bout d'un moment, il faut avoir fini le DLC pour qu'elle puisse vraiment rester 100% du temps, mais du coup il y a plein de gens qui n'ont même jamais vu cet aspect-là, donc pour l'intégralité des gens, les objets se cassent au bout de quelques coups, au bout de quelques minutes d'utilisation, t'es obligé de changer les objets. Et du coup, les objets n'ont plus ce rôle central. Ouais. Et ça déjà, forcément, quand t'es attaché à la formule Zelda, ça peut être un déchirement assez violent, ouais. Parce que ça te fait perdre tes repères, tout simplement. Il y a une vraie désacralisation un peu de trucs vraiment iconiques de la saga qui sont, c'est juste random, quoi. Un boomerang, j'ai trouvé, hop, j'utilise, il est cassé, merci, au revoir, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, quand tu le jettes, tu vois, tu dis, il faut que tu appuies sur un bouton pour l'accélérer, sinon tu le prends dans la gueule. La première fois, je pense que ça a surpris pas mal de monde. Même si le jeu quand même repose sur des bases très identifiables, pour les habitués de la série, on parlait tout à l'heure des auras, des gorons, des piaf, certaines musiques, il faut encore battre Ganon, hein, grosse surprise. En fait, ce qui est intéressant, il le disait, Fujibayashi, c'est que pour lui, il avait toujours ressenti que dans Zelda, il y avait vraiment des cœurs de jeu vraiment qui faisaient l'essence de la série. C'est-à-dire que pour lui, la première chose, c'est le puzzle solving, donc c'est résoudre un petit peu les puzzles, et ensuite, c'est le côté aventure et un petit peu d'action. Pour lui, c'est vraiment ça les cœurs de jeux de Zelda et qui ont été effectivement vérifiables tout au long de l'histoire de la saga. Mais ce qu'il disait, on peut finalement réduire ces choses-là à des formules très essentielles et on peut jouer dessus en fait. On n'est pas obligé de rester dans le schéma, dans cette espèce de matrice qu'on s'est construite. Et finalement, le jeu, on les retrouve. On retrouve l'aspect puzzle, on retrouve l'aspect action, on retrouve l'aspect exploration, peut-être même plus que jamais. Et pourtant, il arrive à faire une formule qui est totalement différente. Grâce notamment à cet open world, quoi. Et justement, dans leur storytelling de l'annonce et de la présentation de Zelda au monde, on a tous le souvenir de cette fameuse démo qu'ils ont réalisée sur un prototype qui ressemblait en fait au vieux Zelda en 2D, ouais. Où ils testaient en fait les idées de Breath of the Wild dans de la 2D, ce qui est une idée particulièrement maligne si vous développez des jeux vidéo, faites ça, faites un proto en 2D et après vous pourrez vous attaquer à la 3D si vous avez des sous, mais ça coûte un brin, enfin bref. Mais tu vois, c'était vraiment une très bonne idée, ils ont testé ces trucs-là et c'est vrai que le jeu, de revoir comme ça ce vieux Zelda ou avec ces idées où tu vas prendre une torche, ça va faire cramer un arbre et du coup tu vas pouvoir passer parce que tu vas avoir enlevé l'obstacle sur le chemin, tu retrouvais en fait des idées très essentielles, très primaires, très primitives de ce qu'était Zelda dans les années 80 sur NES en fait. Et des épisodes que moi, tu vois, malgré que je sois le doyen de cette émission, je n'ai pas connu, voilà, donc je suis très content. Des épisodes en plus qui étaient vraiment difficiles, moi j'avais joué vite fait sur une console virtuelle ou je sais pas quoi, et enfin, c'était vraiment, je pense qu'en termes de zéro indication, vraiment Breath of the Wild t'es bien indiqué à côté, parce que là c'était vraiment, on te lâche comme ça, t'as des donjons, ils sont planqués derrière un truc complètement random, faut le pousser, donc il y avait vraiment un côté secret, mais à un niveau peut-être un petit peu exagéré à mon sens de joueur actuel en tout cas, quoi. Ouais, parce qu'on disait que Breath of the Wild rompt vraiment avec la formule Zelda ou les conventions, mais en fait il revient aussi au premier qui lui aussi nous lâchait vraiment au milieu de rien, tu commences, tu peux aller en haut, en bas, à gauche, à droite, et tu n'as aucune indication sur quoi que ce soit. Ouais, et si tu sais pas où trouver l'épée, tu peux passer quelques temps avant de trouver le fameux vieux qui te dit attention, il est dangerous to go alone, il te donne l'épée et à partir de là, boum, c'est parti, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo de se dire que à la fois ils ont tout changé et en même temps, le fameux entre tradition et modernité, on peut le dire, ça y est. Mais ça a été je trouve que c'est une relecture de cette formule originale qui est particulièrement maligne, parce que tu vois, tu parlais de puzzle solving, et moi par exemple, les Korogu, je me suis éclaté à détecter tous les trucs qui te déconnaient dans le décor, et c'est tout le temps ça, t'es tout le temps en train d'essayer de résoudre des trucs et... Toute situation, même avec des ennemis, même avec évidemment les sanctuaires, toute situation finalement est un puzzle dans Zelda, puisque l'aspect action, il est là, mais il est quand même beaucoup plus en retrait, c'est pas un système qui est extrêmement profond ni très complexe, on n'est pas du tout dans Dark Souls par exemple, donc c'est vraiment le cœur du jeu est vraiment là sur le puzzle solving. La plupart des combats, tu peux d'ailleurs les résoudre en utilisant le décor, en utilisant les objets, en utilisant tes pouvoirs, en utilisant le positionnement des ennemis. ennemis, en, tu vois, enfin, t'es pas obligé d'y aller tout le temps avec l'épée comme ça en l'air et en te jetant dans la mêlée, quoi. Donc ça, c'est quand même un truc qui est assez intéressant. Et ça, bah, ça montre vraiment qu'ils avaient, en fait, des intentions extrêmement précises. Ouais, parce que tu sens que, enfin, vraiment, il y a une digestion de la part de Fubayashi de cette recette originale qui est quand même extrêmement pertinente, quoi. D'arriver comme ça à isolé, parce que tout le monde, hein, vous regardez n'importe quel développeur, quand ils font des suites, ils vont tous vous parler de ces fameux pillars, tu vois, les piliers, les core gameplay, les machins, ils ont tous des expressions différentes pour parler de ça, mais c'est très difficile de les isoler. Moi, je peux prendre l'exemple de Diablo, puisque du coup, bon, j'en avais parlé dans un bouquin. Quand ils ont présenté Diablo 3 la première fois, ils avaient dit qu'ils avaient isolé des piliers, et en fait, on s'est rendu compte a posteriori qu'ils s'étaient complètement plantés. Mm. Et donc, tu te dis que des gens, même avec énormément d'expérience, c'est très difficile de comprendre une série, de l'intégrer, et d'être capable d'en extraire vraiment l'essence, tu vois. Comme si c'était c'est du parfum, hein, je veux dire, là tu vois, c'est vraiment, tu écrases la plante jusqu'à avoir le dernière goutte la plus parfaite, et c'est ça que tu vas et ce qui est fabuleux, c'est garder. Que c'est quand même un regard extérieur, c'est pas la personne qui l'a créé qui allait la retravailler comme ça, donc il y a quand même un, c'est vraiment Fujibayashi qui s'est approprié ça, qui allait un peu à l'essentiel de ce que Miyamoto voulait faire à la base, et c'est dire bon bah je vais le retranscrire dans quelque chose de moderne, mais tout en essayant de conserver cette essence là, quoi. Il propose quelque chose de vraiment innovant, hein, avec le fameux gameplay systémique, hein, avec cette notion de physique chimie, et que ça reparlait tout à l'heure du proto 2D, et là ce que je trouve vachement intéressant aussi, c'est que ce qu'on parle quand même d'un open world, le résultat final c'est un open world en 3D où les perspectives ont leur importance, les points d'intérêt aussi, et le proto il est en 2D parce que ce qui est important pour eux c'était vraiment ce gameplay systémique, ils ont fait un proto en 2D pour surtout pouvoir expérimenter en fait avec le feu, l'eau, l'électricité, faire des ponts avec les arbres qu'on va couper, c'est ça en fait la base vraiment du projet. Oui, il disait les deux mots-clés qui voulait vraiment expérimenter, c'était la créativité par la combinaison et la survie. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu un aspect survie, puisque bah, toutes les choses qu'on récupère, en fait, c'est vraiment un jeu, je trouve, où on doit faire littéralement feu de tout bois, puisque tout ce qu'on récupère, c'est vraiment des choses qui vont... Bah, le sens de la formule, c'est tout. C'est beau. On fait des fagots de bois, on met le feu, ça va. Non, c'est beau. Non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment un jeu où toutes les ressources que tu vas trouver, elles vont te servir, tout ce que tu vois autour de toi, tu peux l'utiliser pour résoudre les problèmes, donc il y a vraiment, ils se sont spécifiés, ils se sont focalisés là-dessus, et comme tu le dis, c'est vrai que bah, même dans un truc en 2D, on peut retrouver ces éléments essentiels, quoi. Et l'apport de la 3D, évidemment, il est énorme, puisque du coup, bah, ça change, comme tu le disais, toute la topographie, toute la vision, toute la visibilité des joueurs, puisqu'on peut en permanence changer la caméra, on n'est pas fixé à un champ lié à la 2D, donc ça, évidemment, ça rajoute beaucoup, mais cette idée, tu vois, moi, je trouve ça fascinant de se dire qu'il n'y a pas d'objet inutile, t'en parlais quand on en préparait l'émission, et t'avais dit un truc comme quoi, c'est la première fois dans un jeu où je ramassais toutes les petites merdouilles, parce que je savais que ça allait me servir. Et alors que des open world, il y en a depuis tu vois, très longtemps, c'est très vieux le principe des jeux de rôle et des jeux d'aventure comme ça en monde ouvert, et souvent t'as des tonnes de trucs que tu ramasses qui ne te serviront absolument rien, tu vois, enfin je veux dire, ramasser des chaises ou des pichets de vin dans Morrowind, ça ne sert absolument à rien parce que ça se revend pas, donc ça te prend du poids, enfin c'est juste là pour t'encombrer. Et là en fait ils ont réussi à faire en sorte que chaque objet, ben tu vas t'en servir dans une recette, tu vas t'en servir pour fabriquer une potion, tu vas éventuellement le revendre, enfin tu vas toujours avoir quelque chose à faire avec. Et puis il y a quelque chose qui est peut-être tout bête, mais qui moi me tient à cœur, c'est que tous ces objets, ils ont une présence physique dans le monde. C'est-à-dire que quand tu passes par le menu et que tu mets les objets dans les bras de Link pour faire la cuisine, hop, tu quittes le menu et ils sont là, ils sont dans ses bras, et quand tu fais la cuisine, hop, ils vont être intégrés. Et ça, en fait, il y a une espèce de crafting qui est intégré. C'est-à-dire que la plupart des jeux, quand tu vas faire du craft, tu vas passer par un menuing et ça ne va pas se voir. Ou alors c'est peut-être une animation de Joel, par exemple, dans The Last of Us, qui trifouille dans son sac, mais il se passe rien, quoi. Et là, il y a quelque chose, il y a une vraie intégration. Les bananes, elles peuvent glisser si tu les perds, si tu les laisses tomber. Et par exemple, tu sais, on avait fait la remarque, quand tu mets un œuf dans l'eau chaude, tu sais, il y a une espèce de bassin d'eau chaude, bah, il va cuire. Donc il y a vraiment une espèce d'interaction physique des objets comme ça, que je trouve finalement qui donne un côté un peu plus palpable à tous ces objets. Et je pense que c'est ce qui leur donne peut-être plus de valeur aussi à mes yeux dans mon expérience. Mais bon, voilà, c'est. Bah, sachant que la séquence de cuisine qui est quand même assez mémorable, hein, qui est peut-être un des meilleurs moments de jeux vidéo, en tout cas de ces dernières années, même c'est un moment avec cette petite musique et tu vois les petits ingrédients et tout, et ça tu vois c'est un truc qu'ils ont repris, alors c'est rigolo, je savais pas que le type il avait bossé chez Capcom, mais ceux qui ont vraiment fait un art de ces petits moments là de gameplay, c'est l'équipe de Monster Hunter justement, parce que le moment où tu vas faire ta grillade et que tu vas la faire tourner, tous ces petits moments là où tu fais des actions absolument tu vois, triviales dans Monster Monster Hunter, ça devient des petits moments de gameplay intéressants parce qu'ils ont font une petite musique, ils font une petite animation, tu vois les petits félines là qui sont en train de s'amuser, de faire les couillons et de danser. Et là du coup ils ont retrouvé en fait ce côté très playful, tu vois, joyeux, hein, vraiment un peu marrant de tu vas prendre les pommes et hop tu vas les jeter, tu vas prendre une corde de Bokoblin et hop tu vas l'acheter dans le petit truc et tout. Et je trouve ça génial parce que t'as un côté émerveillement à chaque fois que tu vas faire ça, et ça donne en fait la cuisine te donne l'idée de base de cette expérimentation, tu vois, la créativité par la combinaison, c'est une très bonne façon de le résumer, quoi. Et alors tu parlais tout à l'heure, tu parlais d'open world, et je pense que c'est effectivement important parce que bah, c'est vrai que moi à la base je disais que j'étais un peu sceptique en voyant ce Zelda arriver parce qu'on me promettait un open world, et c'est vrai qu'au moment où on nous promettait ce Zelda, bon bah les open world tels qu'on les connaît vraiment aujourd'hui, c'est les open world Ubisoft, les open world, les GTA, Rockstar, il y a aussi The Witcher qui était quand même sorti. C'est vrai que c'est une formule qui commence à être éculée, et ce qui est intéressant avec ce Zelda, c'est qu'il a pris un peu cette formule et il s'est servi de différents de ces codes pour en faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Moi, je pense que le bon exemple, c'est les fameuses tours. Vraiment, quand on voyait ces tours au début dans Zelda, on se dit, bon, bah, ok, il y a les tours Ubisoft, d'Assassin's Creed. Il y avait Guillemot qui t'attendait en haut pour te faire un hello, this is me. thank you, my friends. Non, mais effectivement, c'est vrai que les tours, elles ont... En fait, dans ce jeu, elles dépassent leur fonction de base qu'on peut trouver dans les open world. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas simplement là pour révéler la carte dans ses détails, mais elles te servent vraiment dans le sens où être en hauteur dans ce jeu, ça a une vraie fonction dans la boucle ludique, puisque c'est ce qui va te permettre d'observer tes environnements et de te dire, ok, est-ce que je vais aller là? Est-ce que je vais aller là? Je vais repérer un sanctuaire, je vais repérer un petit creux de montagne qui m'intéresse, je vais repérer un petit, vous savez, les petites têtes de cheval, là, les relais château avec la petite musique qui commence déjà quand tu t'approches. Donc il y a une intégration de la hauteur de la tour dans le système de jeu. Et ça n'était pas vrai. Il n'y avait pas ça en fait dans les autres open world où tu montes à la tour. T'as plus jamais besoin d'y remonter en fait. Quand tu débloques une tour ou dans un truc dans un Assassin's Creed, t'as synchronisé, c'est bon, merci, au revoir, Altaïr, il n'a plus besoin de monter. Ouais, alors que plus, là, tu vas pouvoir y revenir. Les trucs sur la minimap, tu vois. Exactement. Donc ils te gâchent en fait, ils te mâchent une partie du travail. Et ce qu'ils ont réussi à faire avec ce Zelda là, c'est qu'en fait, en te mettant en haut et en te donnant pas plus d'informations que ça, parce que bon, tu vois juste la zone sur la carte qui apparaît, mais elle est vide et c'est à toi d'aller la remplir. Et ça, c'est vraiment une approche de l'exploration, tu vois, au sens un peu. Primaire de ce terme-là qui est super maligne parce que bah, toi, une fois que t'es en haut, tu vas repérer, une fois que t'as compris les histoires de couleurs, tu sais que dès que tu vois du orange, bah, ça veut dire qu'il y a un sanctuaire, dès que tu vas voir, comme tu dis, les têtes de cheval, tu vas voir peut-être au loin. La première fois, moi par exemple, la première fois que j'ai vu le village Piaf, enfin le vaisseau Piaf, Ah, oui. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu? Parce que tu vois, j'ai dû faire plein de tours, j'ai fini les gorons, les machins, et à un moment, je me dis, bah tiens, je vais essayer de choper une tour par là, et là, tu vois un vaisseau spatial, tu te dis, mais on est dans Zelda jusqu'à présent, on me donnait des bombes, des chevaux, enfin, il y avait un peu de technologie. Parce que j'avais un iPad depuis le début, mais c'est tout, quoi. Et là, ça te donne vraiment un sens du monde qui t'entoure, et ça te permet, toi, de te créer cette carte mentale et de te créer tes propres objectifs. Et donc là, bah, on retrouve une idée qu'ils avaient promise dans quasiment tous les open world, mais qui n'avaient pas réussi jusqu'à présent, en tout cas à mon sens, à vraiment concrétiser. Oui, et puis en plus, il y a vraiment une intelligence dans l'utilisation de la topographie, parce que finalement, dans la plupart des open world, comme les personnages n'ont pas forcément la capacité d'escalader ou de vraiment se déplacer extrêmement librement, comme c'est le cas dans Breath of the Wild, bah, les montagnes, ça apparaît plus comme des murs, finalement. Moi, j'ai vraiment ce souvenir de Horizon Zero Dawn, où t'as vraiment, finalement, la map est séparée en deux, t'as une grosse chaîne de montagnes au milieu, et t'as une petite porte au milieu, alors que de la chaîne de montagnes. Et là, par contre, dans Zelda, en fait, les montagnes, c'est vraiment une opportunité, c'est vraiment, genre, super, je vais pouvoir monter tout en haut de ce truc, comme ça, j'aurai une vue, je pourrais voir, ou alors je vais pouvoir essayer de passer dessous, il y aura peut-être une grotte. Et là, c'est vraiment, ils ont eu l'intelligence, en fait, d'utiliser le relief dans le jeu. On joue avec le relief du jeu, et ça, c'est pour moi, c'est assez inédit finalement. Peut-être qu'on peut retrouver ça peut-être dans un Far Cry, quand tu vas te mettre à couverture, tu vas pouvoir aborder certaines situations parce que tu es en hauteur ou que tu attaques quelque chose d'en bas, ça va changer un petit peu ta perception des choses. Mais là, c'est beaucoup plus ludique et beaucoup plus riche en fait comme truc. Bah, c'est surtout permis par les mécaniques de déplacement en fait qu'ils ont vraiment mises au centre de ce qu'ils veulent faire. On disait que le gameplay systémique et tout était au centre de la proposition, mais du coup le rapport aussi de Link à son environnement, il est aussi au centre de tout, et ça passe notamment par l'escalade et le paravoile. Ouais. Tu parlais du fait qu'on veuille monter en haut des tours pour voir ce qu'il y a, et on peut aussi se téléporter en haut des tours, hein. Ça, c'est vrai, on peut le faire, c'est quand même assez utile. Et j'ai rejoint un peu hier, et le plaisir de sauter de la tour, de dire tiens, je vais aller là-bas, tu sautes de la tour, tu utilises le paravoile et t'y vas. C'est un truc, c'est tellement bateau en fait quand il pense, mais dans Assassin's Creed, bah, il va juste sauter dans le oui, voilà, qui est en dessous. Le saut de la foi qui est quand même récompensant en termes d'animation, mais tu tombes à un endroit précis, celui que. Et il faut que tu repartes, tu vois. Exactement. Que là, en fait, tu peux directement diriger. Et en plus, comme en permanence, tu peux changer tes objectifs, parce que ce qui est intéressant, c'est que même quand tu montes en haut des monts Géminés, tu vois les deux premières grosses montagnes qu'on voit depuis le prélude, les deux énormes montagnes qui sont en plein milieu, en fait tu ne vois pas tout, parce que même si t'es en haut, ils vont justement continuer à te cacher des choses, va y avoir des falaises, va y avoir des montagnes, et donc t'es toujours dans cette idée de qu'est-ce qui se passe derrière, et quand tu le vois, alors là c'est fini, parce que tu vas commencer à changer évidemment d'objectif au fur et à mesure. Mais cette notion de paravoile et d'escalade, ce qui est fou, c'est que il n'y avait pas d'autres jeux jusqu'à présent qui nous permettaient des déplacements aussi libres. Tu vois ce qu'on appelle la navigation dans le jeu vidéo, c'est toujours des enjeux énormes, et même dans des titres comme Spider-Man ou plus vieux Prototype ou Infamous, on avait des personnages qui étaient puissants, qui pouvaient se déplacer très vite, mais là on n'avait pas des personnages qui pouvaient aller où ils voulaient, et ça c'est vraiment un truc qui a été apporté par ce Zelda là et qui est juste fou, parce qu'en termes de liberté de se dire effectivement je vois cette montagne, je peux aller en haut, ben on nous l'avait promis depuis toujours, mais à la fin il y avait un mur invisible quoi. Et ça c'était tout. Alors que là tu le sais, tu peux le faire, si t'as l'endurance tu pourras le faire, et au pire tu peux toujours te faire une potion, enfin il y a toujours des moyens d'utiliser le gameplay pour aller exactement où tu veux. Oui, ça c'est important ce que tu dis, parce que finalement là, dans beaucoup de jeux, on va toujours les designers vont toujours nous mettre des freins, vont créer des murs. Alors soit ça va être des murs invisibles, soit ça va être tu n'as pas la capacité pour le faire, tu n'as pas ce qu'il faut, tu vas te faire défoncer au-delà, vive des dragons. Voilà, c'est dans ça. Skyrim. Mais là, dans ce jeu, tu peux aller quasiment partout très très très très rapidement. Si là je lance le jeu et je me dis je veux aller chez les Gorons, je sais précisément ce qu'il faut faire pour y arriver, et je pourrais y arriver assez facilement. Je vais me customiser une petite boisson pour m'empêcher de cramer, et un petit peu d'endurance bonus pour tenir, pour pouvoir escalader comme je veux, et il y aura a priori pas de problème quoi. Oui, parce que les pouvoirs de mouvement, de déplacement que tu les as dès le début. C'est-à-dire que à l'instant où tu commences le jeu, tu a pas la paravoile, donc il faut juste faire le prélude. Oui, voilà, c'est ça. Mais à l'instant où tu chopes la paravoile, ça y est, tu as chopé 100% des trucs. La seule différence après, c'est le cheval qui va pas non plus vraiment révolutionner la chose, ça va juste apporter un peu plus de vitesse. Mais globalement, à partir du moment où tu as la paravoile, ça y est, tu as tous les pouvoirs de déplacement du jeu. Le reste, c'est du bonus, ça va être des équipements, ça va être des petits bonus passifs par-ci par-là. Les pouvoirs de base, tu l'as dit, les pouvoirs de la tablette Sheikah, les bombes et tout. Une fois que tu les as et que tu as chopé l'appareil photo, parce que bon, il y a le fameux appareil photo qui est le petit pouvoir supplémentaire, moi j'ai adoré, mais qui change pas vraiment le gameplay, qui apporte pas vraiment un truc. T'as tout, en fait, t'as le prélude et après c'est libre à toi, quoi, tu vois. Et donc et ça c'est vraiment quelque chose de très fort, parce qu'en général la progression dans les open world était justement limitée par des zones, hein. Souvent on te disait tu vois, il y avait le dilemme de Bethesda qui était de se dire est-ce que les monstres ils évoluent en même temps que toi. Donc tu vois, c'est genre Oblivion avec les ennemis qui évoluent en même temps que toi et qui sont toujours à ton niveau, peu importe où tu vas, comme ça c'était libre. Ou à l'inverse, t'as des zones avec des niveaux, tu vois, comme dans les Assassin's Creed récents. T'as des zones, c'est marqué niveau 32 à 37, niveau 37 à 39, et si tu peux pas y aller, t'es pas fort et t'es pas assez fort, et la limitation The Witcher qui fait que tu peux pas y aller quoi. Mais là c'est vraiment libre, tu es 100% libre, tu peux faire ce que tu veux, et ça, ce qui est fou, c'est que c'était depuis toujours la promesse de l'open world et on ne l'avait encore jamais eu réellement. Non, et puis même il y a quand même une prise de risque, je trouve, dans cette boucle, justement dans le parti pris de dire ok, on va vous donner tous les éléments de gameplay de base. Il y a quand même quelque chose de particulier avec ça. Faut une vraie intelligence à la. Faut vraiment penser ton monde en fait en fonction aussi de ça. Parce que n'importe quel jeu open world, il y a quand même une boucle qui va s'enrichir au fur et à mesure. Tu vas débloquer plus d'armes, les ennemis, les situations, les missions, elles vont être de plus en plus compliquées. C'est quelque chose finalement qui est très linéaire en termes de progression. Alors que là, dans Zelda, il y a une espèce de. J'aime pas trop le mot bac à sable, mais en fait, à l'endroit où tu vas, il va avoir des problématiques spécifiques qui vont pouvoir être exploitées avec les outils que tu as à ta disposition, et si tu vas à un autre endroit, tu auras d'autres problématiques et d'autres soucis, d'autres choses à régler. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout la même... La progression n'est pas crescendo, non pas crescendo, mais elle est éclatée, elle est un peu plus aplatie, mais par contre elle va dans différentes directions. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que tu as vraiment le sentiment de t'approprier le monde au fur et à mesure. C'est que la première fois que tu vas chez les Gerudo, il y a le désert, il y a le machin, tu dis oh là là, no go, c'est pas le moment d'y aller, je me sens pas encore forcément prêt. Et puis au fur et à mesure, tu vas dire ok, la chaleur, je peux lutter comme ça, l'électricité, je sais un peu mieux comment ça fonctionne, je vais pouvoir me frotter à ces ennemis-là. Donc et à chaque endroit du jeu, finalement, t'as ce rapport à l'environnement qui se crée grâce aux outils que tu as depuis le début. Ouais, c'est ça, parce que dans les autres jeux, en général, le nouveau gameplay va venir des nouveaux objets que tu vas acquérir, parce que tel objet va s'utiliser que dans telle condition, Et là, vraiment, en fait, on va jouer avec le monde, en fait. Mmh. On va pas jouer que avec les outils qu'on va découvrir. On va jouer avec nos outils qu'on va combiner avec telle ou telle situation. En fait, le monde de Zelda a plein de choses à nous faire encore découvrir. On va découvrir l'électricité, comment elle fonctionne. On va découvrir comment ça peut être lié plus ou moins à la pluie, tu vois. Autant on maîtrise l'escalade, mais on va découvrir que quand il pleut, c'est plus compliqué d'escalader. On va découvrir que quand il y a un orage et on a des objets en métal, on va se prendre la foudre sur la tronche. On va découvrir que le feu, il peut brûler l'herbe, mais il va aussi faire un courant incendie, on va pouvoir se servir de notre paravoile. Il y a tout ça en fait qui nous reste à faire, juste avec les petites palettes, la petite palette d'outils qu'on a au début qui va pas changer. Et ben en fait on va pouvoir mélanger toutes les couleurs à mesure qu'on se balade. Et c'était ça en fait, ce qui pense qu'il avait fait une espèce d'émulation incroyable sur les réseaux sociaux à la sortie du jeu, et qui est encore valable aujourd'hui. On voit encore régulièrement tu vois un joueur japonais typiquement qui nous filme un morceau de sa partie où il fait un truc complètement incroyable, où ils vont tuer un Linel avec des poules, où ils vont tuer un Zinox avec des poules, où ils vont avoir vous l'avez vu cette vidéo où il amène une poule à l'autre bout du monde pour tuer je sais pas quel truc, et tu vois des centaines de poules qui apparaissent. Enfin, il y a toujours ces trucs là le moment où tout le monde a découvert qu'on pouvait faire Tao Pai Pai. Je pense que ça a été un des grands moments, et je crois que c'était Boule à Poire sur Game Cult qui avait dit ça à l'époque, tu vois, où il avait réussi à se forcer à utiliser le mot épiphanie en français alors qu'il détestait ça, où justement c'est ces petites épiphanies comme on dit, donc ces fameuses petites découvertes au fur et à mesure qui nous permettent régulièrement de récompenser notre compréhension du monde et notre découverte. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, et je sais pas, tu vois, j'ai pas les mots pour expliquer aux personnes qui nous écoutent à quel point c'est fou d'arriver à faire ça, parce que c'est vraiment l'objectif de tous les gens qui ont voulu faire des open world depuis toujours. Ils ont voulu aller dans cette direction là ils ont voulu essayer de faire ça, et ils se sont heurtés à des murs au fur et à mesure, et en fait l'équipe de Nintendo a réussi à contourner ça de manière extrêmement maligne, parce que finalement c'est un open world, mais dès qu'on commence à regarder, comme tu le disais, c'est des petites poches de gameplay qui fonctionnent complètement indépendamment des unes des autres, et c'est ce qui fait d'ailleurs que le jeu est quasiment sans bug. Il y a très peu de bugs comparé aux autres open world, tu vois. Il n'y a pas vraiment des moments où le cheval il fait n'importe quoi, il n'y a pas Ablette, il n'y a pas les moments Ablette de Zelda, parce que chaque petit endroit fonctionne de manière indépendante. Et là, un truc, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'utilisation de la topographie. Ce qui est très malin de la part de Nintendo, c'est d'avoir poussé le level design à deux étapes. C'est-à-dire qu'en général, ce que tu disais sur le « je vais pouvoir découvrir », tu vois, je pensais à Far Cry, le fait que tu puisses savoir comment tu vas contourner une base ennemie, typiquement, parce que tu as toujours des bases ennemies à détruire, c'est fait. Tu vois, à un niveau micro, le level design est toujours bien maîtrisé. Eux, ils ont réussi à amener cette même maîtrise à l'échelle macro, qui fait qu'à chaque instant du jeu, tu vas voir quelque chose. Tu vas voir un Korogu, tu vas voir un sanctuaire, tu vas voir un village, tu vas voir un ennemi, tu vas voir un objet, tu vas voir un arbre, tu vas voir un endroit où il y a des photos. Tu vas toujours voir quelque chose, il y aura toujours quelque chose à découvrir. Et ça, je vous dis, même moi, je n'ai aucune idée de comment on peut arriver à un tel niveau de, pas de perfection, parce qu'il y a plein de choses à redire sur le jeu, mais de remplissage par autre chose que du vide, parce que bien souvent, la plupart des jeux, tu vois, on parlait de la comparaison avec les autres, les Assassin's Creed, quand ils te disent, va chercher les 430 petits drapeaux ou les plumes de je sais pas quoi, tu vois, c'est chiant comme la pluie. Les Korogu, en principe, ça aurait dû être le truc le plus chiant comme la pluie de l'univers, tu vois, parce que t'as je sais pas combien, 1000 ou je sais pas combien de Korogu, enfin, t'en as des centaines à faire, en plus, t'as aucune récompense quand tu les fais tous. Mais comme la situation pour les débloquer est toujours nouvelle, même s'il y a des grandes, voilà, il y a des tendances, hein, mais je veux dire, à chaque fois, ça va juste t'amener un petit peu de nouveauté dans ta petite boucle de gameplay, et ben à chaque fois, ça fonctionne. Et ça montre vraiment une maîtrise de la part de Nintendo qui est incroyable. Je pense que c'est vraiment une espèce de changement un peu de paradigme, dans le sens où la plupart des open world, l'idée c'est toujours de te recentrer vers la quête principale, de dire ok, je veux quand même qu'il aille là, je veux qu'il vive ce moment là alors que dans le jeu Nintendo, tout est fait pour justement que tu n'ailles pas à l'endroit où on t'a dit d'aller. Finalement, tout est fait pour t'appeler. En fait, c'est un jeu qui t'appelle constamment de toutes parts. Il y a toujours un truc, hey, listen. Mais c'est vraiment c'est ça en fait, le monde te fait hey listen tout le temps quelque part. Tu es harcelé d'opportunités en fait, et je pense que c'est ça qui rend, enfin voilà, on l'a tous dit par rapport à ce jeu, mais c'est vraiment le jeu où j'avais prévu de faire un truc, et en fait j'ai vu un truc, j'ai vu une montagne, et j'ai fait ok, attends, je vais faire ça, et je me souvenais plus que. Ouais, c'est ça, et 15 heures plus tard, tu sais, tu t'es retrouvé. Ah oui, c'est vrai, je voulais chercher la fontaine de la fée, j'avais oublié. Ouais, en fait, t'es à l'autre bout dans le village en train d'aider les types à construire leur village à eux parce qu'ils ont besoin de toi, et ah oui, mince, je voulais juste faire ça au début, je voulais une pomme, tu vois. Et là, t'appelles ton cheval, et en fait, t'es trop loin. Ouais, le cheval, il est à l'autre bout du monde, le pauvre, il attend, pénard. Ça aussi, c'est un truc intéressant, ce que tu parles. Parlais tout à l'heure du cheval, où tu disais tu l'obtenais après et tout, et moi le cheval je m'en suis très peu servi en fait aussi. Parce que comme on disait, t'as l'escalade, le paravoile, et je trouve ça assez intéressant que dans Zelda, quand tu siffles, ils n'apparaissent pas constamment juste derrière toi comme dans un Witcher 3 ou la moitié des open world. il y a ce côté assumé en fait que bah il y a des moments non tu n'auras pas de cheval en fait parce que le déplacement il se suffit à lui-même, le déplacement à pied. Oui, puis de toute façon en fait t'as ce pouvoir de grimper aux montagnes qui est tellement plus fort limite, enfin je trouve qu'il est tellement plus puissant que de pouvoir aller plus vite que sur les plaines, comme t'as pas besoin de contourner, bah effectivement limite moi non plus je me suis très peu. Et comme tu peux te téléporter au bout d'un moment quand tu commences à quadriller la carte, après c'est vrai que petit à petit le cheval perd de son intérêt, mais tu peux par contre te forcer à l'utiliser pour l'amener d'un relais à un autre. Encore une fois, le jeu, sa grande force je pense, c'est qu'il ne nous force jamais à faire quelque chose, ou très rarement. En général, il nous laisse la liberté d'aborder chaque situation un peu comme ça nous chante. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils se sont baladés avec leur cheval non-stop, ils leur donnaient des carottes, ils leur faisaient des trucs, enfin vraiment leur genre le cheval, je suis sûr que je peux trouver des gens qui vont nous dire qu'ils s'en sont jamais séparés, genre limite c'est ils essayaient de l'attacher autour de l'arbre avant de rentrer dans le donjon. Il y avait vraiment cette relation limite fusionnelle comme dans un Shadow of the Colossus, alors que moi c'est pareil, enfin je veux dire, là l'autre fois en stream je rigolais parce que j'ai tué un cheval en le faisant tomber d'une falaise, voilà, bleu blanc, RIP, mais j'avais commencé à m'y attacher à ce canasson, tu vois, parce que du coup, alors que dans ma première partie en fait je m'en foutais, tu vois, j'avais un cheval et effectivement au bout d'un moment je m'étais rendu compte qu'il était trop loin et qu'il fallait que j'aille un relais pour l'attraper, j'étais là, j'ai autre chose à faire. Et donc c'est vraiment à chaque partie tu vas t'approprier différents aspects, tu vois, on en parlait dans la préparation, moi le fait qu'on puisse trouver des objets grâce à l'appareil photo, ça m'a occupé des heures et des heures, je trouvais ça génial, je prenais un truc en photo et après on me disait où il y avait cet objet et tu te sens super puissant parce que t'es là, hey j'ai pris en photo un coffre, et tu te sens, t'as l'impression que t'as craqué le jeu, tu vois, parce que je vais trouver les coffres et t'as le radar qui te dit il y a un coffre là, c'est génial, alors que dans n'importe quel autre jeu vidéo t'aurais simplement acheté une carte ou t'aurais tu vois la minimap qui serait remplie de petits points d'intérêt en te disant voilà il y a des points d'intérêt, vas-y youpi. Et en fait c'est chiant parce que c'est vrai que non mais parce que tu vois moi j'ai beaucoup parlé de The Witcher 3 et eux-mêmes en fait se sont rendus compte a posteriori que leur gestion des points d'intérêt et des points annexes surtout était peut-être pas la plus maline qu'ils aient faite, et ils étaient très fiers de leur écriture etc, et c'est pour ça qu'on se souvient du jeu encore aujourd'hui. Ouais, bah ils peuvent, mais par contre c'est vrai que sur la gestion des petits points d'intérêt, les trucs les plus annexes, ben ils ont peut-être cherché la facilité là où Zelda a fait en sorte que le truc le plus annexe soit aussi important, voire plus important comme tu disais, que d'aller dans le château. Ouais, totalement. Bah c'est vrai que moi, j'ai une situation un peu particulière où on est en famille, on est quatre à la famille avec des profils de joueurs très très différents. Moi ma meuf elle joue pas du tout, c'est vraiment pas une joueuse. Mais Zelda, je crois c'est le seul jeu sur lequel elle a passé autant d'heures parce que on a tous des choses, toutes et tous des choses à trouver en fait dans ce jeu. Moi dans ma culture un peu plus traditionnelle on va dire de jeux vidéo, bah c'est vrai que c'était plutôt les sanctuaires, résoudre les trucs, c'est ça qui m'intéressait vraiment dans le jeu. Mais les gosses ça a été le petit il a expérimenté, il faisait des bidouilles, des machins, des trucs parce que il pouvait s'amuser avec le système de jeu. Ma meuf, elle aimait se balader, essayer de trouver les sanctuaires, elle aimait miner pour récupérer de la thune. Mais donc, on a tous pu trouver finalement quelque chose et s'amuser vraiment dans le jeu. Et ça déjà, pour moi, c'était assez unique comme expérience. Et ça en fait déjà un grand jeu dans ma vie personnelle, rien que pour ça, quoi. Ouais, tu disais tout à l'heure, c'était sympa la formule où t'as plein d'opportunités. Et c'est vraiment ça, en fait, tu vas prendre, c'est vraiment à la carte, tu vas te faire ton expérience. Ouais, ouais. Et le jeu est capable de t'apporter toutes ces opportunités qui vont t'apporter des plaisirs différents en fonction de ton profil. Et c'est d'ailleurs, c'est une des définitions de la liberté, c'est d'avoir le choix. Ouais, et là, t'as vraiment le choix d'aller à la tour, d'aller au sanctuaire, de ramasser une noix de coco pour faire une tarte. Je sais pas si on peut faire une tarte à noix de coco. Je sais pas si on peut faire la tarte à noix de coco, mais c'est peut-être possible. Ah, des trucs, on peut faire des sorbets. Moi j'avais découvert sur le tard qu'on pouvait faire des glaces. Quand j'ai vu les crêpes, j'étais fou. Ouais, c'est vrai, moi aussi j'ai eu le moment, on peut faire des pâtisseries. c'était assez fou aussi. Ouais, ce qui est génial, c'est qu'au début tu commences, tu fais des espèces de recettes de monstres, plats douteux, forcément. Et puis après tu commences à maîtriser l'art de la cuisine dans Zelda. Et évidemment, quand on est un tout petit peu la cuisine comme moi, c'est la grande passion tout de suite, quoi. Puis comme tu me disais tout à l'heure, c'est que c'est des moments qui sont tellement géniaux de se dire, on en parlait dans la préparation, mais les ingrédients, à chaque fois que tu vas découvrir une nouvelle région, c'est des nouveaux ingrédients. Alors même si évidemment ils vont avoir un peu les mêmes effets, tu vas avoir les ingrédients lame, les ingrédients enduro, les ingrédients épices, machin, tempo machin. Mais du coup, comme une banane, ça fait pas la même chose qu'une pomme ou j'en sais rien, du coup tu vas pouvoir créer des nouveaux trucs à chaque fois. Et c'est vrai que de passer du début avec tes pauvres brochettes de champignons à la fin quand t'es en train de manger des super plats avec des sushis, steaks Salisbury et tout. Des sushis et des trucs, t'es là genre j'ai vu, il y avait des plats terre-mer quoi, limite, tu sais, on était dans Top Chef. Vous allez faire un terre-mer aujourd'hui avec un encornet et un steak de cheval. Non mais à partir du moment où tu récupères du sel, c'est le truc, t'es là genre c'est génial, je peux mettre du sel dans mon truc, c'est genre parce que tu te fais des petits délires, tu sais que ça ne sert absolument à rien, mais tu vas mettre tes petits champignons, ta petite courgette et puis hop, tu vas mettre un petit peu de sel parce que on sait jamais. Et l'ingrédient secret, tu dis peut-être que si je mets du miel, un petit peu de beurre, ça va transformer. Ouais, si je rajoute du miel ou du beurre, tu peux Mais c'est vrai que du coup, quand t'arrives dans un village et que tu vois genre le blé, le beurre, ouais, les trucs, suite, c'est toujours le moment où tu dis oh là là, tout ce que ça va être, ça va être n'importe la quoi. La première fois, je pense, c'était chez les Zora où t'as un endroit qui te vend de la bouffe que t'as jamais vu ailleurs. Tu sais, c'est vraiment, c'est comme t'as ces moments un peu, je crois, dans One Piece, parfois où ils arrivent dans un nouveau, je trouve ça assez juste, dans une nouvelle ville, tu vois, et t'as Luffy qui va aller au marché du coin et il découvre la nourriture locale, tu vois, et c'est vraiment ça. Ça va avec le voyage en fait. Oui, c'est ça, on retrouve cette idée de découverte où tu vas arriver, tu vas découvrir une nouvelle culture, donc ça va passer par en fait tous les aspects de gameplay qu'on a déjà détaillés, et chaque joueur va réussir à trouver son incentive en fait, on va chacun trouver sa motivation à continuer de jouer. C'est le genre de jeu, je pense, où tout le monde a, en fait, moi ce que j'ai adoré quand j'ai refait le jeu il y a pas longtemps, là j'ai découvert la fonction, je sais plus comment ça s'appelait, trace ou souvenir, tu sais, truc qu'ils ont rajouté dans les DLC, tu vois tout le chemin que t'as fait dans les 200 dernières heures, et c'est génial ce genre de truc, parce que tu vois ton voyage en fait, et c'est ça, tu vois, on a souvent dit, tu sais, c'est les fameuses phrases de philosophie de comptoir à base de c'est pas l'objectif, c'est le voyage qui compte, tout ça. Et là en fait ils ont fait un jeu avec cette idée là ils se sont dit c'est le voyage, c'est ce que tu vas faire, c'est ce que tu vas te souvenir de tous ces trucs là et ça va te créer ton expérience. C'est pas tu es Ganon, tu vois, moi je l'ai pas fait, j'ai pas fini le jeu, je peux le dire, parce que moi j'ai pas trouvé ça très intéressant. Très intéressant d'aller dans le château. Je pense qu'on peut d'ailleurs en discuter un petit peu, tu le disais d'ailleurs, le jeu te laisse quand même la plupart du temps la liberté, mais c'est ce qu'on discutait, on disait dès qu'il nous resserre un petit peu, dès qu'il ferme un petit peu la soupape, et ça va être pendant les créatures divines, ça va être pendant le château de Ganon, là le jeu est un petit peu moins, il y a une frustration en fait qui naît, comme tu t'es habitué pendant toute ton expérience à être libre, à te dire je peux aborder les choses comme je veux, dès qu'il t'enferme, moi je me souviens vraiment le grand moment de frustration là chez les Higa où il faut faire de l'infiltration, ça m'a saoulé mais vraiment d'une force monumentale, alors que finalement dans un autre jeu ce genre fait c'est un petit peu anecdotique, là dans Zelda en fait c'est tellement, t'es tellement tout le temps libre que là ça paraît, il y a une espèce de polarité qui se fait et il y a beaucoup plus de frustration qui naît quoi. Et pourtant, à noter, pour le château, ils ont essayé de faire un truc aux approches différentes, parce que si tu vas, je crois que c'est le relais qui est le plus proche, tu peux parler à une personne qui te dit « Ah, tu veux aller au château ?» Et ben, il y a plusieurs façons d'y aller. Il y a la façon Goron, donc c'est genre tu fonces par la porte d'entrée. T'as la façon Sheka, où tu passes par une espèce de mine un petit peu secrète, et tu vois des cristaux briller la nuit à l'extérieur. La façon Piaf, où je crois que tu peux venir d'une colline, un truc comme ça. Oui, les auras, tu vas passer par la cascade. Voilà ça, donc ils ont essayé de faire ils ont essayé de resserrer, mais avec toutes les approches. Mais une fois que tu y es, moi j'ai trouvé que c'était le foutoir, je comprenais pas, parce que je suis arrivé genre la façon, je sais même plus, je crois que j'ai fait la façon Sheka par la mine et tout, et je suis ressorti par la façon Piaf ou je suis ressorti par la façon Goron, tu vois, j'étais perdu en fait dans le château. Moi je suis passé en mode, tu sais, avec le pouvoir des Piaf là, j'ai monté, j'ai fait, je m'en fous, mais ouais, c'était pas c'est vrai que leur level design est incroyable dans la construction du monde, la topographie et tout, il y a une vraie réflexion en plus dans ce que ça peut apporter en termes d'expérience de jeu, et en fait dès que ça se resserre c'est beaucoup moins intéressant, et je pense d'ailleurs c'est pour ça que les gens qui ont été un peu laissés sur le côté, qui pour eux finalement voulaient rester dans cette tradition des donjons Zelda, ce savoir-faire qu'ils avaient dans la construction de l'espace, dans l'imbrication des gestions des volumes et tout ce que ça pouvait créer dans des donjons qui étaient super intéressants à faire, on ne retrouve pas du tout ça dans il y a les créatures divines, elles sont pas si nulles que ça, il y en a une ou deux qui sont pas mal, mais c'est pas aussi intéressant. T'en fais vite le tour quoi, l'éléphant tu fais monter la trompe, ça fait le petit jet de truc, c'est vraiment des gimmicks plus qu'autre chose. Les boss en plus sont assez anecdotiques, oui, parce ils que sont complètement je pense qu'ils ont, tu vois, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire, on va faire un jeu très beau, et pour que les gens comprennent à quel point c'est beau, on va faire des boss mais moche comme le cul, mais ça ressemble à rien. C'est vrai que comparé, tu vois, aux Inox, aux Linel, ou même les Mold Hardcore, là, les espèces de trucs dans les sables qui ont vraiment un design. Ils ont un charisme de fou, quoi. Là, tu te dis, ces boss-là, c'est l'antithèse du charisme, quoi, vraiment, quoi. C'est en partie, et les trucs de sable, là, c'est en partie parce qu'ils sont liés à leur environnement qui marche aussi, tu vois. C'est le truc sous le sable qui va sortir, c'est un truc un petit peu classique, tu vois, dans l'imagerie de la science-fiction. C'est vrai que même quand il va faire un monstre dans une partie resserrée, ça marche même pas, quoi. Exactement. Et puis même, voilà, cette espèce d'ombre, c'est tous les mêmes quasiment, ils ont juste un peu des pouvoirs un peu différents. Même plus. Oui, voilà, c'est vraiment des choses que. Tu vois juste la chevelure rouge, je pense que c'est le truc avec les yeux que tu leur tires dessus avec l'arc. Tu peux leur tirer dessus avec autre chose, mais je veux dire, c'est vraiment, ils ont un design qui est finalement très basique comparé au reste du jeu. Et il y a une espèce de contraste, vraiment, je trouve, entre ces moments-là où. t'en parlais, la fameuse séquence où t'as le petit Goron qui te suit et il faut que tu montes petit à petit dans la montagne en évitant les canons de la salamandre. C'est, voilà, tu vois, non, mais c'est des passages qui sont pas forcément extrêmement plaisants et qui redeviennent. Ils ont toujours été là en plus dans la série Zelda. Alors qu'il y a toujours eu ça. C'est ça. Tu vois, je veux dire, dès le début dans Ocarina, quand il doit passer derrière les gardes dans le château d'Hyrule, tu vois, t'as des passages d'infiltration. Il y en a toujours eu des passages d'infiltration comme ça. Et pourtant, bah là, ils nous ont montré tellement plus. Quand on revient finalement à des choses qu'on connaissait et qui auraient dû être particulièrement familières, bah on se dit ouais, en fait non. Ouais, c'est ça. En fait non. Tu parlais tout à l'heure de tout ce qui était le défi que ça représente en fait, vraiment d'avoir tout ce gameplay systémique. On en avait parlé un petit peu, on parlait des immersive sims pour l'épisode près, où déjà c'est des jeux qui essayent, tu vois, à une échelle un peu plus serrée entre guillemets locale, de faire déjà des objets qui se répondent entre eux. Là ils ont vraiment réussi avec l'open world, et c'est vrai que tous ces moments resserrés contraste avec tous les camps où tu vas vraiment avoir, même s'ils sont pas très réussis, tu vois, dans Breath of the Wild, mais t'as toujours cette idée de c'est toi qui vas choisir comment tu vas battre un ennemi. Est-ce que tu vas le battre avec à l'arme, est-ce que tu vas te servir de tes pouvoirs, est-ce que tu vas te servir de l'environnement, parfois t'as même la météo pour ce que je trouve vraiment intéressant, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est là où ils ont réussi à faire de l'immersive sim en fait dans l'open world, c'est que parfois c'est la météo qui te pose un problème aussi. Une des bases de la philosophie, c'est que quand t'es face à un problème, c'est tes outils à toi qui vont te, c'est toi qui va créer ta solution avec les outils dont tu disposes. Et là parfois le problème il est posé par la météo, donc on parlait du désert où tu vas avoir trop chaud, et en fait là tu vas avoir peut-être 5 solutions différentes pour pouvoir contourner ce problème. Et tout ce qui fait justement ton plaisir dans ce jeu-là, c'est de trouver ta solution. Et tous les donjons, tout le château et tout, en général, t'as une solution et tu n'as plus du tout ce plaisir, en fait. C'est pour ça que je pense l'île finaliste, pour moi, l'île finaliste dans le jeu, c'est finalement le vrai donjon du jeu. Puisque, alors, je sais, on nous l'a dit, que tu peux lancer tes armes au bord du radeau et tu les auras quand même au bord de la plage. Oui, alors, tu peux hacker un petit peu tu le truc comme ça. Tricher, quoi. Mais voilà, tu peux tricher. Mais si tu le joues à la régulière, comme un vrai gamer, eh bien, elle est vraiment super intéressante. Parce que tu te retrouves complètement à poil, tu dois vraiment te servir de tes pouvoirs, tu dois quand même abattre un inox, et moi j'ai trouvé ça génial parce que tu te dis, bon bah ok, je vais lui faire tomber les rochers dessus, ensuite je vais me servir de la caisse, je vais lui taper dessus avec la caisse, tu vois, avec le stasis. La caisse médiatique, ouais. Et même moi je me suis dit, à un moment il y avait un orage, je me suis dit, attends, je vais prendre mon épée, je vais faire voler mon épée, je vais lui mettre au-dessus de la tête pour qu'il se prenne la foudre, et ça a marché, quoi. Et tu te dis, là j'ai vraiment compris le système de jeu, et c'est parce que j'avais tout appris, tout ce que j'ai fait dans le jeu, que je me suis senti prêt d'attaquer, tu vois, cette île finaliste. Alors évidemment, le fait que j'avais vainqueur m'arrangeait aussi, mais voilà, et je trouve que c'est le bon résumé vraiment de ce qu'est l'expérience de ce Zelda et de toutes les problématiques que tu peux rencontrer, comment mettre un petit orbe dans un bloc alors qu'il y a de l'eau au milieu et tout, comment je vais pouvoir me servir de mes pouvoirs pour le faire, et comment je vais résoudre des situations conflictuelles avec des gros ennemis comme ça. Ça fait un petit moment qu'on parle de liberté, et que ça, on en a parlé tout à l'heure, t'es aussi libre de finir le jeu quand tu veux. L'expérience, elle se termine un peu quand tu t'éteins la console, pas forcément quand t'as tué Ganon. Après, ça, c'est un classique dans les Zelda de tuer le boss et ensuite de pouvoir faire ce que tu veux dans le monde. Mais là, il y a vraiment ce côté où tu peux vraiment avoir toute l'expérience du jeu sans te battre contre Ganon, qui au passage pas non plus un combat incroyable. Clairement pas, je pense qu'on peut le dire, c'est vraiment pas un non, mais je l'ai découvert avec YouTube, parce que comme j'ai pas été... En fait, arrivé au château, j'ai vu qu'il y avait le plan qui passait, la minimap qui passait en mode donjon, en mode créature divine. Et là, j'ai vu le bazar que c'était, il y avait des ennemis vraiment vénères partout, tu sentais que on pouvait pas se balader exactement comme on avait envie. Et du coup, je me suis dit, finalement, je ressors et je vais finir les quelques sanctuaires qui me manquent, parce qu'il y avait forcément des trucs à faire que j'avais pas encore vu. Il y avait des labyrinthes, il y avait des trucs. Il y avait cette fameuse île finaliste dont on m'avait tant parlé et que j'avais envie de voir. Et puis, c'était génial, finalement, d'aller faire ce truc-là. Et en fait, je suis pas frustré. C'est vraiment un des jeux où je me dis, c'est pas grave que j'ai pas vu la fin. En fait, c'est même pas un manque, parce que ça n'apporte rien en réalité. Le plaisir de jouer à chaque instant dans Zelda, ça bat complètement l'envie d'aller au bout, tu vois. Ouais, et puis ce qui est vraiment intelligent, c'est de te le balancer comme ça dès le début, de manière complètement random, ça désamorce cette espèce de pression, et tu dis, vas-y, fais vraiment ce que tu veux et profite de ce que tu veux faire. Et moi, je m'étais vraiment dit, au bout d'une trentaine d'heures, c'est un peu mon temps limite de jeu, tu vois, en général, sur mes expériences, j'ai du mal après, j'ai envie de passer à autre chose. Je me suis dit, ok, c'est bon, je me sens prêt, j'avais fait la moitié des sanctuaires, j'en ai fait 60, j'ai fait, ok, je veux battre Ganon et c'est bon. Et finalement, 2-3 mois après, je suis revenu au jeu, et là, je me suis dit, ok, je fais tout, parce que vraiment, j'avais envie de découvrir toute la richesse qui qu'il y a, parce qu'il y a vraiment des sanctuaires qui sont super intéressants à la fois à l'intérieur, mais aussi comment tu vas les débloquer. Moi, j'ai beaucoup aimé les petites énigmes de l'oiseau là, qui te demande à un moment d'aller chercher un cerf dans une montagne et de le ramener sur un socle. Il y en a une où tu dois tirer sur la lune à une heure très précise de la journée parce que le pic de l'ombre de la tour se met à un moment. Donc, tu as des petites énigmes un petit peu comme ça que j'ai trouvé vraiment sympa, et je trouvais que c'était vraiment la richesse de ce jeu, de constamment avoir des petites histoires comme ça un peu partout disséminées dans l'ensemble du monde, et ouais, qui rend le voyage toujours plaisant et toujours te dire est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose que j'ai pas vu ici, quoi. Ouais, t'as toujours envie d'aller plus loin, d'aller derrière l'autre colline, parce que du coup quand on te dit dès le début bon bah là regarde, là il y a le château, ça c'est Ganon, enchanté, voilà. Ah ouais, Link, ouais. Ganon Link, débrouillez-vous, vous connaissez depuis 20 ans. Ouais, ça fait 400 jeux que vous vous tapez dessus, c'est maintenant vous connaissez mort, il y a 100 ans. Ouais, et donc et en fait bah tu vas te balader dans une nouvelle région et tu vas découvrir un désert, tu vois. Moi la dernière fois en stream, j'avais beaucoup visité la zone de la jungle bleue et tout, j'avais pas vraiment visité la première fois que j'avais fait le jeu, et j'ai découvert des tonnes de trucs là-bas. Il y a encore un autre dragon, je ne connaissais pas. Ça c'est un grand moment. Mais ouais, voilà, moi j'avais vu celui dans la montagne, ouais. Et celui qui était autour de l'île là, du grand lac qui est juste derrière le palais. Qui se téléporte, c'est le même en fait. C'est toujours le même. Non, en fait, ils ont trois et ils ont deux zones de ah oui, ils peuvent apparaître à différents endroits. Ouais, différents endroits. C'était vraiment une surprise. Franchement, je me souviens vraiment de cet instant de jeu où j'ai vu ce truc voler, j'ai fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce phalanx sorti de Shadow of the Colossus qui débarque dans mon jeu, quoi. J'étais vraiment choqué, et c'est rare quand ça m'arrive dans les jeux d'un truc où je ne m'y attendais mais vraiment pas, et j'ai vu cette espèce de truc majestueux voler et tu dis eh ben je vais essayer d'aller dessus et on va bien voir ce que ça donne. Voilà, ouais. C'est ça. Le moment où ça m'avait frappé, c'est quand tu es alors je crois que c'est tout au nord-ouest après les Piaf, et tu sais t'as une énorme t'as le Grand Canyon, ouais. Et tu dois être et en fait t'as un énorme canyon justement à visiter, tu peux aller tout en bas, mais le long des parois t'as tout un tas de sanctuaires et tout, et à un moment il y a le dragon qui vole en plein milieu du sanctuaire, et toi t'es là, t'es collé contre ta paroi et tu vois un machin gigantesque qui passe devant, et c'est des moments fous, quoi, parce que tu t'y attends pas. En plus tu pouvais pas le voir parce qu'il est dans un truc, donc même si t'étais dans une montagne ou dans une tour, et en fait la tour te fait croire que tu vas voir toute la région, mais en réalité t'as jamais tout découvert. Enfin, tu vois, moi je peux pas me dire que j'ai fait l'intégralité du jeu, et même si je le recommençais et que j'y jouais encore une centaine d'heures, j'aurais pas l'impression d'avoir tout vu. Ouais. Et vraiment le petit facteur clé, je pense, de ce genre d'émerveillement, c'est aussi un peu la peur, tu vois, parce qu'on disait Zelda, il est vraiment en open world, et tu sais pas sur quoi tu vas tomber, tu t'es fait défoncer peut-être par des linels, par des bokoblins qui étaient beaucoup trop forts à tel endroit, et comme dans des jeux comme Subnautica par exemple, je pense que l'émerveillement, le côté un petit peu peur, tu sais pas comment interagir avec ce truc, ça peut être dangereux, mais c'est un peu plus fort que toi aussi de savoir ce qu'ils font, comment. Je pense que c'est vraiment important comme élément. Mais c'est important, tu vois, que tu parlais des immersive sims tout à l'heure, et c'est des jeux quand même qui peuvent être assez austères, tu vois, on en parle un petit peu, et je trouve que Zelda a vraiment réussi à rendre ce truc très playful, ouais. Finalement, en utilisant vraiment, tu vois, quand tu regardes les jeux Arkane, c'est des jeux qui ont une esthétique assez adulte quand même, qui vont aller dans des thématiques un peu sombres et tout, et eux, ils ont fait quelque chose enfin voilà, j'ai l'impression que c'est le premier immersive sim qui cartonne vraiment, parce que justement, il y a une esthétique qui est différente, et même si tu peux ressentir un petit peu cette peur, tout le monde peut quand même se lancer dans l'aventure, je veux dire, à partir de 7 ans tu peux y aller, quoi. Et bah voilà, c'est ça, j'allais dire quelque chose, une chose qui rend ça très ludique, c'est que c'est très naturel en fait, ouais, puisque ouais. Bah c'est le feu qui va brûler certaines parties de la nature autour de toi, ça va être des pommes qui brûlent ou des œufs qui vont bouillir, ça va être de l'électricité, donc c'est des choses très très simples en fait, ouais, et ils ont réussi vraiment à faire ça à l'échelle de l'open world, où on disait tout à l'heure c'est la météo parfois qui va te poser des problèmes, mais c'est tu vas avoir trop chaud, tu vas avoir trop froid, et du coup, si t'es proche du feu, ça t'aide. Ou là, côté un petit peu, là on rentre dans l'univers un petit peu ludique. Si tu manges des plats à base de piment, ça va te réchauffer. Mais il y a une logique derrière, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis il y a une logique que tout le monde peut comprendre, je pense. Tu vois, je repasse au jeu Arkane, mais comme il crée des pouvoirs, des choses qu'on ne connaît pas, des choses qui n'appartiennent pas du tout à notre monde, pour être créatif avec, faut quand même avoir un esprit un peu particulier. Faut quand même se plonger dedans, avoir cette créativité là. Alors que l'électricité, le fait que tu puisses jouer avec le métal, c'est quelque chose qui te vient très très vite à l'esprit, quoi. Donc je pense que ça a encouragé beaucoup de monde à expérimenter et à tenter des choses qu'on tenterait pas forcément dans les immersive sims d'Arkane par exemple, parce que elles sont peut-être un peu plus oppressantes et peut-être plus en danger, alors que dans Zelda t'as de nombreuses opportunités quand même de tenter des choses un petit peu à la cool. Finalement dans les sanctuaires t'as jamais trop de pression, et tu peux être encouragé à essayer de tenter des trucs, et ça je trouve ça vraiment chouette. Mais c'est d'ailleurs c'est là la force du jeu, c'est d'être de s'être dit la problématique de l'open world, effectivement, qu'est-ce qu'on va utiliser utiliser, bah, on va utiliser l'environnement. Et l'environnement, tu peux pas faire grand-chose contre ça. Une fois que tu as accepté que dans un désert, il fait chaud, je veux dire, tu as traversé des déserts et des mines et des trucs comme ça dans 100% des jeux vidéo et des jeux de rôle de la Terre. Je veux dire, on a visité les mêmes zones. En plus, Zelda, c'était typique, je veux dire, le donjon, tu vois, le temple de l'eau, le temple du feu, la forêt, le volcan, tu vois, c'est des niveaux que tu connais. Mais là, pour la première fois, eh ben, tu te retrouves dans cet environnement-là et tu dois, comme tu le disais, survivre. Alors, à une échelle très light, hein, c'est pas un jeu ultra vénère, mais tu dois quand même prendre en compte ça. Et donc, du coup, bah, dès que t'es dans le désert, tu sais que tu vas crever de chaud. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas découvrir, tu le disais, il y avait la pastèque, tu vas découvrir les tenues qui te permettent de survivre. Tu vas découvrir que tu peux simplement, comme toi, tu le disais, enfin, tu vois, toi, tu traversais la première fois la glace simplement en te soignant, tu vois. Ouais, je bouffais des pommes. Chercher, tu mangeais des pommes jusqu'à survivre en te disant, bah, ça va passer, tu vois. Et ça peut fonctionner. Il n'y a pas de mauvaise raison. Le jeu va pas te punir parce que t'as essayé quelque chose. Au contraire, il va en fait essayer en permanence. Dès que tu vas vouloir expérimenter, il y a des chances que le jeu y ait pensé et qu'il te laisse faire ça. Et ça, bah, cette récompense-là, ce plaisir de savoir que quand tu vas essayer quelque chose, le jeu va être prévu pour, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu avoir dans les jeux vidéo et qui a mis beaucoup de temps à arriver. Tu vois, on parlait beaucoup de Minecraft dans la préparation. Ouais. Pour moi, ça fait partie de ces jeux qui m'ont révélé un nouvel espace de créativité dans les jeux que j'avais pas avant. Tu vois, je pouvais prendre des morceaux de métal et des morceaux de bois et les assembler et ça faisait un nouveau truc. C'était génial. J'aurais voulu faire ça dans tous les autres jeux vidéo depuis que j'étais né, en fait. Et avec Zelda, ben, t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de limite. Tu vois, c'est pour quand on dit sky is the limit, tu vois, où la limite c'est l'imagination. Là, pour le coup, ça marche. Parce que régulièrement, moi j'ai regardé le speedrun du jeu il n'y a pas longtemps, mais c'est débile tout ce qu'ils font, quoi. Ouais, casse le jeu dans tous les sens. Utiliser les bombes pour sauter plus haut, des choses comme ça, il y a pas mal de choses. Il y a des utilisations de même, et puis ils font la même chose que toi, c'est-à-dire qu'en fait ils se soignent, ils sont tout le temps en danger, ils sont à un demi-point de vie, mais ils s'en fichent, tu vois, ils gèrent, c'est prévu comme ça. Et j'imagine qu'il doit y avoir des tonnes et des tonnes de choses que j'ai toujours pas découvertes dans le jeu, parce que j'y ai pas assez joué. Tu vois, c'est une des frustrations que j'ai, c'est si je pouvais passer des centaines et des centaines d'heures, j'aurais l'impression d'avoir vraiment fait le tour, mais même là j'en parle, et pourtant j'ai déjà fait 2 ou 3 parties, mais... J'ai toujours l'impression d'être très loin, d'avoir vraiment englobé le truc. Et je trouve ça génial parce que du coup, dans ma tête, Zelda, ça restera quelque chose que j'aurais jamais conquis, que j'aurais jamais vraiment été jusqu'au bout. Pas parce que j'ai pas tué Ganon, parce que ben, j'ai pas tout découvert. Moi, je trouve que ça, je pense que c'est un grand jeu parce que tu vois, tu parles de Minecraft, on parlait des open world, on parle des immersive sims. Et j'ai l'impression que c'est. Je sais pas, je connais peut-être pas assez bien Nintendo pour pouvoir le dire avec assurance, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la première fois que Nintendo va autant regarder vers l'extérieur, va autant s'approprier tout ce qui se fait et vraiment le redigérer à sa sauce et vraiment proposer un jeu qui est vraiment contemporain en fait et peut-être même un poil avant-gardiste dans son appropriation en fait de tout ce qu'il a pu voir. C'est-à-dire c'est Skyrim, c'est Minecraft, c'est aussi peut-être un peu de Shadow of the Colossus, c'est aussi peut-être même un peu de Dark Souls, je sais que ça a été la blague pendant un moment, mais il y a aussi un petit peu de ça et t'as l'impression que bah, ces gens-là, ils ont joué à tous ces jeux-là, ils se sont dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut faire infuser ça dans, bah dans une saga qui résume peut-être à elle toute seule beaucoup de choses du jeu vidéo? Genre, c'est l'aventure, quoi. C'est vraiment juste l'aventure. Le fait de partir avec son épée et de vivre un truc comme ça, c'est une des premières promesses, tu vois, de ce que le jeu vidéo a été depuis super longtemps. Et te dire, bah voilà, c'est un jeu qui a su recapturer des mécaniques, des techniques de game design pour faire quelque chose de vraiment... Il y a pas de, je sais pas si on se demandait est-ce que c'est une révolution, je sais pas, le je sais fameux, pas du tout, c'était un peu la fin de notre discussion de savoir est-ce qu'on termine là-dessus ou pas. En tout cas, il y a clairement, comme tu disais, tu vois, il y a une vraie maturité, je trouve. On en parlait dans un premier temps, on parlait de Breath of the Wild, de sa place au sein de la saga, et il y a eu déjà une vraie compréhension de toute cette saga, une vraie digestion de sa propre saga, de sa propre formule, puisque autant ils reviennent aux sources en essayant de disséquer un petit peu ce qui faisait le premier Zelda. Mais on retrouve aussi, tu vois, des petits éléments de gameplay de Skyward Sword, tu vois, le paravoile, la barre d'endurance, ça, c'est des trucs qui étaient déjà... C'est minime, tu vois, mais ils ont su reprendre exactement ce qu'il fallait de tel épisode pour en faire quelque chose qui révolutionne d'une part la saga, mais tout en conservant un petit peu son essence, sa nature. Et en plus de ça, une fois qu'il a fait tout ce travail un petit peu, mais il va digérer aussi, bah, comme tu le disais, tout ce qui a été fait autour, autant des open world que des jeux un petit peu systémiques. Ouais. Et on arrive à un truc, une espèce de... Alors, pas de monstre du coup, parce que ce serait un petit peu péjoratif, mais de un résultat qui arrive à tout prendre en fait chez tout le monde et à faire quand même sa propre proposition. Qui est vraiment surprenant, qui arrive à être cohérent et surprenant. Et je pense que c'est pour ça, on l'attendait pas finalement quand on attendait un open world, j'attendais pas ça. Deux jours avant la sortie de Zelda, il y a Horizon qui est sorti. Je sais que c'est un jeu qui est apprécié, et bien sûr, il a des qualités et tout, mais c'est un jeu qui reste extrêmement scolaire, finalement, dans son approche de l'open world. Et deux jours plus tard, t'as ce jeu-là qui sort, et qui sort complètement des carcans, qui propose une vraie nouvelle interprétation de ce que peut être le monde ouvert. Et ouais, c'est quand même impressionnant. Et c'est ce qu'on se disait, on sait pas. On avait fait un épisode quand il était sorti Zelda, on s'est demandé est-ce que c'est déjà un classique. Et en fait, ce qui est la question qu'on se posait derrière ce sujet un peu putaclic pour attirer du monde sur notre vidéo, c'était peut-il voilà, déjà peut-il être un classique. Abonnez-vous à Game. L'idée, c'était de se demander qu'est-ce qui fait finalement, en fait, un classique, on le mesure à son impact. Et encore aujourd'hui, je pense que deux ans après, parce que ça fait deux ans maintenant qu'il est sorti, on a du mal encore à se dire quel est l'impact de ce jeu. Oui, c'est un jeu important, ça, clairement, je pense qu'on peut le dire. Mais est-ce qu'il va avoir d'autres jeux comme lui? Alors, est-ce que sa suite sera comme lui? Est-ce que Gods and Monsters de Ubisoft, qui apparemment tire quand même bien la couette vers lui Et on ne sait pas, en fait, ce qui restera de ce jeu, même encore dans les 3 ans. Mais ce qui est sûr, en fait, c'est que ça va prendre un certain temps à vraiment s'infuser. Tu vois, pour moi, je trouve qu'on avait vécu déjà un grand changement. Alors, parler de révolution, c'est parce que c'est un terme qui est balancé toutes les 5 minutes par les fabricants de smartphones dès qu'ils rajoutent une application dans leur rectangle de plastique. Ils se plient maintenant. Waouh, incroyable. Et donc, forcément, ça a perdu de son sens. Mais le truc, c'est que le jeu vidéo est marqué quand même par des grands moments. Tu vois, c'est vrai que pour moi, Nintendo, ils sont très importants. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un moment, Zelda, effectivement. Un jour, ils ont fait un truc qui s'appelait Mario 64 et ils nous ont fait découvrir que la 3D, ça pouvait être bien. Après, ils ont fait Ocarina of Time, qui lui aussi a vraiment changé beaucoup de choses. Tu vois, je veux dire, dans l'épisode sur Dark Souls, on parlait de l'influence d'Ocarina of Time. Il s'est passé 15 ou 20 ans entre les deux. Donc, il y a eu, enfin, une quinzaine d'années plutôt entre les deux. Pour moi, en fait, je me souviens très bien d'un truc que je m'étais dit à l'époque où Breath of the Wild était sorti, c'est que je me suis dit, tu vois, tes gamins, tous les gens, aujourd'hui sont mômes et qui vont grandir en ayant comme standard de jeu vidéo aussi ouf que Breath of the Wild. Ouais. Bah, la génération Minecraft et la génération Zelda Breath of the Wild, j'espère que le jeu vidéo existera toujours et que la civilisation humaine sera toujours là. Mais si jamais c'est le cas, je me dis, ils vont avoir vécu si avec. Si jamais on est encore là, si vous entendez ce message. Voilà. Si vous le découvrez, putain, Fallout. Un truc, tu sais, genre, on laisse, c'est nous les Sheikas, on laisse à la prochaine civilisation. Voilà. Il y a des antibiotiques dans le Pentagone. Voilà. Non, mais tu vois, je me dis, si les enfants qui vont grandir en ayant comme standard dans leur tête un truc aussi riche, aussi génial, aussi libre, aussi fou que Breath of the Wild, Minecraft ou même Fortnite dans une certaine mesure, parce qu'il y a aussi des choses comme ça, et ben ça va donner des créateurs de jeux vidéo et des créatrices de jeux vidéo qui vont partir avec des bases qui sont inimaginable pour des gens comme nous, parce que nous on a grandi avec l'arcade, on a grandi avec des trucs comme ça, donc nous on avait nos propres jeux qui étaient fous, tu vois. Moi je les envie pas parce que j'ai connu des choses folles. Mais par contre c'est vrai que j'ai envie de les voir, tu vois. Je me dis, tous ces petits mômes là qui ont 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans quand ils ont découvert Breath of the Wild, qu'est-ce que ça va donner quand ils en auront 25, 26 et qu'ils vont être en train de trimer chez Rockstar pour faire Red Dead 3, tu vois, et qu'après du coup après ils deviennent indépendants et là hop, ça y est, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non mais bon, blague à part, ça, pour moi ça a permis un tas de choses, ça a permis déjà de créer un nouvel espace dans l'open world. Ça nous a permis de nous sortir de cette espèce d'impasse dans laquelle on était. On avait l'impression que l'open world, The Witcher, ils avaient apporté l'écriture, Ubisoft, ils avaient apporté les tours et la construction finalement, mais c'est un peu eux qui ont vraiment, tu vois, figé le truc dans le marbre. Rockstar, ils avaient un peu leur approche particulière avec la narration, etc. Mais on était toujours un peu dans la même idée. On était toujours dans une espèce de cercle qui s'élargissait, mais qui n'était pas brisé. Que là, en fait, Zelda, ils sont arrivés avec une nouvelle sphère en disant, hey, coucou, regardez, on est tout seul là-dedans, venez jouer avec nous. Et pour l'instant, évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour savoir qu'est-ce que ça va apporter, mais je veux bien mettre ma main à couper que ça va changer énormément de choses dans les années à venir. Ça, je pense que ça a tellement marqué tous les gens qui font du jeu vidéo et qui feront plus tard du jeu vidéo, que pour moi, c'est impossible que ça ait pas un impact qui dépasse tout ce qu'on imagine. On verra avec la suite, puisque au moment où on enregistre le podcast, on a eu de la chance, on s'y attendait pas pendant le 3, je m'attendais sincèrement pas à une annonce d'une suite en plus directe, puisque là cette fois dans la petite cinématique on retrouvait Zelda et Link qui étaient tous les deux avec leur petite torche, donc on va pas partir dans les spéculations du tout. On sait pas, est-ce que ce sera le même en un petit peu mieux. Ce qu'on sait apparemment déjà, c'est que ils veulent utiliser la même carte, le même moteur, enfin vraiment réutiliser leurs assets pour ce nouveau jeu, parce que pour eux c'est quand même une économie de moyens moyens. C'est aussi, je pense, il y a eu un gros investissement derrière. Ça leur a permis de capitaliser un peu sur du travail déjà fait. Donc, c'est quand même intelligent de leur part. Et puis, il y a encore des choses à faire et à peaufiner avec les mêmes bases, hein, clairement. Oui, parce qu'on le disait, il y a des problèmes d'ergonomie horribles dans le jeu. On peut toujours relancer la discussion sur la destruction des armes. Oui, ça fait partie. Il y a tout un tas de choses qu'on peut reprocher au jeu. Mais le fait qu'ils annoncent une suite aussitôt, bon, c'est une bonne chose, mais pour moi, c'est pas avec celui-là. Tu vois, je sais par contre, j'ai quand même l'intime conviction que c'est pas avec celui-là qu'on va avoir encore un nouveau truc. Jeux comme Breath of the Wild, pour moi, c'est des machins qu'on voit deux ou trois dans notre vie. Tu vois, ça paraît fou de dire ça, mais pour moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est-à-dire, j'ai vu Breath of the Wild, le prochain qui va faire ça, il y avait peut-être Dark Souls avant, le prochain sera peut-être pas avant 6, 7, 8 ans qu'on voit un jeu qui va autant nous donner l'impression d'avoir repoussé les frontières de ce qu'on peut faire avec du jeu vidéo. Oui, non, je m'attends plus à du raffinement, tu vois, un truc plus abouti, mais on sera toujours dans cette même sphère dont tu parlais tout à l'heure. Totalement. Eh ben, écoutez, on verra ça d'ici là. J'espère qu'à la sortie de ce jeu, on sera fin du game existera encore. Saison 18. c'est l'année prochaine, ça va arriver assez vite. Peut-être pas. 2021. Saison 2 ou 3. On compte sur vous. Hein, c'est ça. Soutenez-nous sur Patreon. Ouais, pour parler d'un gros jeu encore, parce que là, il y a plein de choses qu'on aurait pu dire hein, sur ce jeu. Oui, forcément, on peut pas faire. Je pense qu'on pourrait faire un épisode de 3 heures. Il y aurait pas On pourrait tartiner. On sait que c'est quand même un jeu que vous connaissez bien. Il y a eu beaucoup de discussions. Voilà, mais vraiment essayer de comprendre ce que c'est, pourquoi. On aurait pu parler de la musique, dynamique. Oui, c'est vrai, on a dit, on en reviendra en détail dessus. On aurait pu parler de la DA, on aurait pu. Qu'est-ce qu'il y a vite, on aurait pu parler de plus des sanctuaires. Là, pour parler un peu de l'envers du décor, en termes de temps de préparation, on a fait à peu près l'équivalent de 3 fois l'émission. Rien qu'en préparation, en discussion entre nous, en prise de tête, en machin, en discussion de on n'est pas d'accord et ceci. Donc, forcément, mais l'essentiel, je pense qu'on arrive à apporter dans l'épisode, au final, c'est juste d'essayer de comprendre la place de Joe dans la saga et qu'est-ce qu'il a apporté finalement à l'open world. Et après, bon, tout le reste, les souvenirs, les trucs, c'est sûr que c'est rigolo, les anecdotes personnelles, mais pour moi, c'est pas le cœur de ce qu'on aurait voulu faire. Et puis, on pourra de toute façon en discuter sur le Discord. Continuer d'en parler sur déjà, le Discord. Ça a déjà commencé, il y a eu déjà quelques échanges et je pense que là, avec l'épisode qui sort, vous aurez encore plus de matière. Vous allez avoir un mois avant le prochain, donc exactement, vous allez avoir de quoi remplir. Parce que cette fois-ci, on se retrouvera pas. Donc, dans 2 semaines, a priori, ce sera début août, donc dans un mois. je relisais juste la note où je voyais Fashion Victim, vous demanderez à Hugo dans le Discord. Parce que je parlais des tenues. Oui, tu cherchais à avoir toutes les tenues. Non, mais voilà, il y a tellement d'aspects du jeu qu'on peut explorer que c'est. On peut pas être exhaustif en 1h20. Et déjà, là, on est plus sur 1h30 qu'1h20, a priori. Mais on verra au montage de toute façon. Voilà, on va laisser, c'est bien parce qu'à chaque fois nous on coupe les micros, on laisse Max se débrouiller. Non mais voilà, écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés, on vous remercie aussi de nous avoir suivis, peut-être pas depuis le début, je sais pas si vous avez rejoint récemment avec les gros épisodes de Last of Us, des trucs comme ça, mais voilà, merci beaucoup pour tous les retours qu'on a eu pendant toute cette saison. On est quand même vraiment fiers de ce qu'on a pu créer avec ce podcast. C'est super cool qu'il ait pu se trouver une petite place dans tout le pays podcastique. T'aimes bien dire ces trucs assez... Donc on est très content de ce qu'on a réussi à faire, et puis on se retrouve un petit épisode à la cool cet été, un petit épisode sableux je vais dire, et puis on se retrouvera après pour la rentrée avec des grosses cartouches et ça va être chouette. Et en plus, on pourra commencer à regarder les jeux qui sont sortis récemment. Parce exactement. Que maintenant, vous voyez, il y a la fameuse règle. On vous laisse le temps de finir les jeux. Voilà, donc faites les jeux qui sont sortis en début d'année, parce qu'on vous en parlera à la fin de celle-ci, très probablement. Exactement. Merci beaucoup, et puis à bientôt. Salut.